You know, it's Halloween. I guess everyone's entitled to one good scare, huh? Look at me, Damien. It's all for you. We'll tear your soul apart. They're coming to get you, Barbara. They're here. I see dead people. What have you done to its eyes? What have you done to him, you maniac? We all go a little mad sometimes. Come. It is time to keep your appointment with the Wicker Man. Salut, salut tout le monde, Sébastien Bouchard au micro, bienvenue à l'épisode numéro 92 de l'Horreur Gamer Show. Cette semaine, c'est une semaine toute en tristesse et en dépression. Non, pas parce qu'on rend hommage à George A. Romero qu'on va se mettre à pleurer ce soir. Vous l'avez entendu rire, elle est déjà full de bonne humeur. C'est Vicky, salut Vicky! Salut! Ouais, hey, je suis tellement dedans que j'ai troqué le vin blanc pour le vin rouge. Wow! Oh, on est dans le gore et le sang! À la fin, elle va en avoir partout sur elle, puis ça va confondre les gens. Ben lui, il a du vin blanc. Mais je sais oui, pas, c'est du vin. C'est-tu du vin? C'est du vin. Non, c'est pas de la pisse. c'est pas de la pisse. Hey, c'est Jean-François Tremblay. Salut, Jeff. Ils viennent pour te chercher, Sébastien. J'ai bien fait de fermer la fenêtre en arrière de moi. Oui, ça va. Ben oui, ça va très très bien, très très très très bien. Oui. Ça fait un mois qu'il est mort, on pleure plus, là, c'est fini. Non, c'est ça, je veux dire, on a passé à autre chose, là, on s'en suit même plus équipe. Non, c'est une farce. Fallait s'y attendre. On a été un petit peu... retardé par tout ça, Fantasia, Steven voulait participer à l'épisode, finalement, il ne peut pas, fait qu'on a fait, ben là, regarde, Steven, c'est ce qu'on fait. Ben, pendant que, c'est spécial, parce que pendant qu'on enregistre cet épisode-là, Steven est avec Audrey, et je sais pas si Marc-Antoine est là aussi, mais ils sont en train d'enregistrer l'épisode 91 pour le spécial Fantasia, donc leur nouvel épisode de la revue des derniers films qu'ils ont vus à sa Fantasia. Donc, c'est spécial d'enregistrer deux épisodes d'Horreur Gamer en même temps. Moi, je pense que Marc-Antoine est là parce que je les vois tous les trois sur Skype. Ah, ça doit être ça. Ouais. Écoute, on est rendu big, là. On a deux équipes qui enregistrent en même temps. Oui, c'est fou! C'est malade. Horreur Gamer, c'est des doubles. Mm-hmm. Hey, mais j'avais pas réalisé ça, c'est A comme Team A. L'équipe A puis l'équipe B, non? L'équipe A. Ben, j'osais pas dire B, mais ok. On est équipe Z, on est équipe zombie, nous autres. Ah, c'est oui, bon. Oui, ça, j'aime okay, ça. C'est bon. Les amis, avant qu'on tombe dans le sujet puis qu'il y a une madame qui crie, on va se faire une petite introduction. Juste pour savoir, vous autres, Romero, c'est-tu quelqu'un que vous appréciez full? Puis vous l'avez connu comment? Ouais, JF, toi, on sait un peu ton opinion. Fait que je vais demander à Vicky. OK, ben moi, Romero, c'est sûr que je l'ai connu avec Night of the Living Dead. Ça, c'est comme incontournable. C'est un incontournable. Surtout qu'à l'université, c'est un incontournable pour les droits d'auteur quand on parle de Night of the Living Dead. Mmh. Peut-être qu'on va en parler durant l'épisode. Fait que je ne donnerai pas toute l'information. Mais c'est un must-see. Tu sais, mettons que tu rentrerais à l'université et on dirait, bon, ben pendant tes 3 ans universitaires, voici 1000 films à voir, il en ferait partie, c'est sûr. Ensuite de ça, moi, je suis une grande, grande fan de zombies. C'est un personnage que j'adore. Certains, ça va être les vampires, d'autres autre chose, les loups-garous, whatever. Moi, c'est les zombies. Je suis encore de celles qui écoutent Walking Dead à tous les dimanches. Alors, je paye AMC, je paye le poste, je ne le download pas illégalement, je le paye à 2 places en plus. Je le paye chez nous, je le paye au bistrot. Alors, comme ça, si je ne suis pas au bistrot, je l'écoute chez nous. Tu sais, vraiment intense, la fille. Hey, by the way, Vicky, moi, je t'ai perdu là-dessus, hein, Walking Dead. Ah ouais, ah non, pas moi. Ben, oui, cette saison-ci, OK, je peux comprendre, là, mais j'ai continué quand même. Elle m'a fait chier, je l'avoue. Là, je peux pas donner tout à Walking Dead, mais je le sais que je vais être là au rendez-vous en octobre. Fait que c'est ça, mais moi, étrangement... Je suis pas une fille qui suit énormément les réalisateurs dans la vie. C'est rare que je me tape une filmo d'un réal. J'y vais beaucoup par thème puis par sujet. Où là, présentement, j'ai une bibliothèque de 800 films au bistrot. Et je me suis fait donner des films où des fois j'en ai acheté parce que le titre Mettons Cinderella Man. Tu sais, c'est des films que je devrais avoir vus, que les gens me parlent, mais que j'ai pas vus. Puis je les ai ajoutés à la bibliothèque. Fait que là, présentement, tout ce que je fais, c'est que je suis partie du bas, puis je pars un film après l'autre de tous ceux que j'ai pas vus dans ma collection. Fait que tu sais, je suis pas quelqu'un qui fait « Ok, à ce moment, j'écoute un Romero. Ok, à ce moment, j'écoute un Darren Aronofsky ou name it. » C'est pas mon genre. Fait que dire une relation avec Romero, j'en ai pas parce que je suis pas une fille qui a une relation énorme avec les réalisateurs en partant. C'est pas moi. Moi, je suis quelqu'un qui va aller de film en film et qui va y aller par thème ou par sujet ou « Ah, j'ai goût de biographie. Qu'est-ce que j'ai envie? Qui j'ai envie de connaître? » T'sais. Ou à un moment donné, j'ai comme parti sur un personnage qui est Camille Claudel, ben j'ai écouté toutes les biographies sur elle. C'est plus ça, moi, que quelqu'un qui va chercher les réalisateurs. Donc, c'est pas polygame du réalisateur. Oui, exactement. Je suis pas polygame du réalisateur. Je suis très peu fidèle à Montréal, malheureusement. Désolée. Mais je peux reconnaître un réalisateur. Je peux reconnaître un fil conducteur d'un réalisateur. Mais je suis pas quelqu'un qui va plonger dans un univers parce que c'est un réalisateur. Tout, comme, peu importe, que ce soit horreur ou autre chose. D'accord. Bon? Hey, puis, oui, merci, Vicky. Jeff? J'aurais de la misère à dire... Je te donne 10 minutes maximum. Non. Non, mais j'aurais de la misère à dire comment ça a commencé. Est-ce que c'est Night? Est-ce que c'est Dawn? Est-ce que, je sais pas, c'était en VHS des années 90, mais je me souviens pas lequel que j'ai vu en premier. Mais ouais, je suis plus suivi de réalisateur qu'au contraire de Vicky. Moi, je vais essayer de regarder la plupart des choses qu'ils ont faites quand c'est disponible. Surtout qu'à l'époque, ben c'était pas, il y avait pas de temps de DVD, avant les DVD, c'était pas toujours évident de trouver des films des fois qui puis c'est ça, tu sais, ça m'a pris du temps à voir certains films. Puis même encore les noms que j'ai vus cette semaine pour la première fois, des films de Romero, parce que j'étais juste paresseux, puis il y en a que j'ai jamais vraiment cherché à voir, mais j'aurais peut-être dû. Mais non, c'est ça, Dawn a été rapidement classé dans ma tête comme mon film d'horreur préféré. T'sais, il y en a plein d'autres que je trouve vraiment, vraiment très bons dans toute l'histoire du cinéma, mais lui, je le laisse là au top parce que je l'aime vraiment beaucoup, puis même s'il y en a qui sont meilleurs côté technique, puis ils ont des monstres plus épeurants et tout ça, il y a quelque chose qui venait me chercher dans ce film-là. Peut-être mon amour des centres d'achat, c'est niaiseux, mais j'aime ça me promener au centre d'achat. Puis j'ai souvent rêvé, là, ben, on pourrait dire que c'est des cauchemars, mais j'ai souvent rêvé que je me retrouvais tout seul dans ce centre d'achat-là, puis qu'il y avait plein de zombies dans le centre d'achat du film, là, tu sais. J'ai souvent rêvé de vouloir aller à cette place-là qui s'appelle Monroeville, aller à ce centre d'achat-là. Mm-hmm. J'ai jamais été finalement, mais ça reste encore une idée que j'ai en tête si un jour ça la donne. Là, mais même si tu dois savoir, JF, ouais, même si ça a beaucoup changé, là, je sais que j'ai vu plein de photos récentes. Ouais, c'est ça que j'allais te demander, ouais. Ça a changé pas mal. À l'extérieur, peut-être un peu moins, mais les magasins, c'est plus les mêmes. Je pense qu'il y a juste JCPenney qui est là, qui est resté. Puis y a pas, ça n'a pas été long qu'il n'y avait plus de patinoire ou de faire comme ça, comme dans ouais, le film. La patinoire, c'est devenu un food court, là, un chose à restaurant. Mais... connaître un centre d'achat d'un autre ville, d'un autre pays, bâtard, c'est con que je connaisse ce centre d'achat-là par rapport. J'ai déjà allé sur le site web du centre d'achat pour les magasins, c'est ridicule. T'sais. Je pense que j'ai même pas été sur le site web du centre d'achat de la ville où j'habite. Là, t'sais. Écoute, personne ne t'en voudrait, Jeff, de ne pas y être allé. Mais c'est ça, tu sais. Non, j'étais bien fasciné par ce film-là, puis j'aime son style, puis c'est un gars qui m'a tout le temps apparu très, très sympathique puis abordable dans les documentaires, les entrevues, puis tout. Puis je l'ai vu une fois en personne au cinéma Impérial à Montréal pour la première de Survival of the Dead en 2009-2010. Puis c'était un bon moment de ma vie, là. J'étais bien content. J'ai pas eu de signature ou quoi que ce soit, mais j'étais juste très content de le voir en personne. Puis c'est ça, j'ai été bien attristé de sa mort, même s'il est mort. Même s'il est mort vieux, je veux dire, il a eu une longue vie, tu sais, ben vieux, 77 ans, je pense. Puis c'est quand même pas si vieux que ça, mais ça reste que c'est une bonne vie pareil. Puis il a eu une longue carrière, puis il peut être fier de ce qu'il a fait, tu sais. Mm-hmm. Mais c'est ça. Il semble pas avoir vécu une fin de vie trop difficile. En tout cas, il me semble, de ce que j'ai lu, là, c'est une bataille avec la souffrance, cancer du poumon, mais ça a été bref, je pense. Ouais, c'est ça, hein, si je me trompe pas. Ben, moi, je suis... j'ai connu Romero à cause du remake de Night of the Living Dead. Ah, ouais? Ouais, ça a été mon premier film d'horreur à vie, d'une chambre d'hôtel avec mes parents, parce que mon père zappait tard le soir, puis que moi et ma soeur, on est supposés être couchés dans le lit à côté, tu sais, ils zappent sa TV. Là, il y a le film qui commence, fait que tu vois le frère et la soeur qui s'en vont Oui, frère et sœur, oui. Ils s'en vont au cimetière, puis le film commence, fait que mon père, il fait, ouais, je sais pas, probablement que le petit avait été déjà passé, fait que, puis à l'époque, tu peux pas faire info. Dans les années 90, tu peux pas cliquer sur info pour savoir c'est quoi le film. Puis d'une chambre d'hôtel, t'as pas le TV Hebdo pour regarder. C'est quoi le film qui passe? Fait que, ben, il l'a laissé aller. Puis il l'a écouté au complet. Puis moi, j'ai juste continué à l'écouter avec les autres. Puis j'étais fasciné par ce film-là. Probablement que c'était la première fois que je voyais des trucs de zombies en plus. Fait que, veux pas, tout de suite après ça, quand j'ai su qu'il y avait d'autres choses par rapport à ce remake-là, j'ai vraiment été intéressé. Je ne suis pas un fan de Romero. Je m'étais contenté à l'époque de suivre un peu sa saga. Puis un peu après Land, il avait fait... après Land, c'est Diary. Diary, il m'a perdu. Il m'a perdu à ce moment-là. Oui. Puis... ses autres films, après ça, je les écoutais sans trop regarder si c'était lui, tu sais, je cherchais pas à écouter du Romero, c'est juste que, tu sais, j'écoutais un film, puis je me disais, ah, ben, écoute, je suis en train d'écouter un Romero. Mais ces autres films, mais pas en question de date, quand tu tombais sur un film, puis t'as parlé de Romero, parce que c'est un de ses derniers, quand même, Diary. Oui, non, c'est exemple, tu sais, hey, faut que t'écoutes Creepshow, ok, je vais écouter Creepshow, ah, c'est Romero, je savais même pas. Ah, c'est ça, ok, j'avais compris, ok, c'est cool. Ouais. Fait que c'est ça, c'était ça moi Romero, je l'ai apprécié sans que ça en être un fan, mais oui j'étais quand même attristé de sa mort, mais pas parce que on n'aura plus de film de Romero ou quoi que ce soit, c'est toujours triste quand une légende meurt. Tu sais. Ça c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut remettre en perspective, c'est est-ce que cet acteur ou ce réalisateur-là qui meurt va vraiment manquer quelque chose? Moi, le seul qui m'a vraiment marqué, c'est Philip Seymour. Mm-hmm. Quand il est mort. Là, ça m'a marqué. Mais sinon... Ben, il y en a plusieurs qui l'ont marqué, mais je te dirais que Anthony Yelchin, l'année passée, c'est venu me chercher, c'est venu me fesser dans le ventre. Ouais. Mal. Il était trop jeune, puis je l'avais tellement aimé dans Hot Thomas, puis dans toutes sortes de films, que j'étais comme non. Ouais. Oui, oui. Heath Ledger, ouais. après son Joker, parce que tout le monde t'a encore... Brittany Murphy, il y en a plein. Parce que Brittany Murphy était le fun, était pétillante, mais est-ce que vraiment il y a des films qui se sont pas faits à cause de Brittany Murphy? Moi, c'est ça que je veux dire. Heath Ledger, c'est que peut-être qu'il y a des projets. D'ailleurs, le Pangarum de Dr. Parnassus, je sais pas trop. L'imaginarium du Dr. Vraiment, moi, j'ai essayé, c'est épouvantable. Bon, mais ce film-là, la mort de l'acteur a nuit au film. Donc, c'est la même chose. Moi, Philip Seymour Hoffman, j'ai été bouleversée parce que je le sais qu'il y a des projets qui ne pourront pas être menés à terme sans lui, c'est certain. Est-ce que Romero, il y a des films? Peut-être. Avant sa filmographie, moi, je pense qu'il manquait une conclusion à ça. Fait que peut-être. Fait que ça, oui, ça m'a quand même marqué parce qu'il dit, c'est pas lui qui va conclure l'univers du zombie. J'ai vu la face à JF puis j'ai l'impression qu'on va en jaser tantôt. Lorsqu'on va parler de sa série. Tu me fais penser, c'est tantôt avec ton histoire de Night of the Living Dead, le remake. Je l'ai déjà parlé, mais mon introduction aux zombies, ça a été dans le vidéo de trailer de Michael Jackson. Puis ça m'avait vraiment, vraiment beaucoup marqué quand j'étais jeune. Puis ça a pris du temps avant que je voie des films de zombies, mais ça m'intriguait. Je voulais voir le film de ça. Il n'y avait pas, ça n'existait pas, mais je voulais voir une version longue de ça. Je voulais. C'était comme si, c'est comme si Michael Jackson arrivait dans un film avec des monstres, puis j'étais comme, oh, je veux voir ça, moi, je veux voir. Mais j'étais ben trop jeune, tu sais, ça m'attirait vraiment beaucoup. Puis quand j'ai vu des films de Romero. J'avais peur. Ouais, c'est ça. C'était épeurant. Puis quand j'ai vu des films de Romero, j'ai fait, ah, ben tiens, c'est exactement l'ambiance de ça. Quand j'ai vu, mettons, Return of the Living Dead en 85, j'ai fait, ah, c'est l'ambiance de ça, c'est ça que j'aime, tu sais. C'est pour ça que j'aime les zombies des 80, il y a quelque chose de vraiment le fun dans cette époque-là. Est-ce que... je vous pose une autre question, là, mais vraiment rigolote. Si vous aviez à devenir un zombie, on vous trouverait comment? D'après moi, JF serait un zombie qui aurait des écouteurs à ses oreilles en train de pousser un berceau. Là. C'est en site, oui. Avec un bébé zombie, oui. Non, pas mon bébé. Toi, Vicky, on te trouverait-tu dans ton sauna? Zombie, tu sais, là, t'arrives dans une maison, puis tu fais comme, je pense qu'il n'y a personne ici. Puis à un moment donné, t'ouvres le sauna, Vicky, avec toute la peau qui est en train de se défaire. Non. Moi, j'ai des bons skills de Survivor, puis je suis bien entourée d'un chum qui a des crisses de skills de Survivor. Ah ouais? Fait que moi, là, j'ai toutes mes plans faites en cas d'attaque de zombies. Je sais pas mal ce que je fais dans même les étapes. Et je te dirais que j'arrête pas de le dire. Le pire qui peut arriver, c'est si que ça arrive bientôt, parce que mon chien, il est vraiment vieux, puis elle serait bouffée, puis là... Peut-être que je pognerais un fret, là, si mon chien serait bouffé, puis là, je me ferais peut-être bouffer à cause de ça. Mais sinon, là, je te dis, là, j'ai tout de planifié, moi. Ça va bien, mes affaires. Ça va bien pour les skills de zombies. Ah, c'est bon. Fait que je pense c'est bon. Pas qu'on trouverait. Ou sinon, ça serait vraiment... C'est toi qui nous trouverais, là. Ouais. Je vais tout vous faire ça direct dans le cerveau, les gars. Merci. Ça fait plaisir. Merci. J'ai faire par compassion. Croyez-moi, je suis là pour vous autres. Ou juste où est-ce que vous habitez. Puis j'ai pas le sens de la direction, je vais me perdre en sacrament. Pour ça que prenez votre temps. Ouais, c'est lui qui chauffe. C'est lui qui chauffe. Lentement, mais sûrement, on va avancer vers la capsule, vers le bistrot. Ouais. Puis... on arrivera. Puis tu vas faire comme, hey, Chris, c'est Sébastien. Parce que c'est comme... Chapeau un peu sur le côté. Ouais. Mais c'est ça, l'idée du centre commercial est pas folle à la base, mais non. C'est pas la meilleure. C'est juste Castor, tout le monde la connaît, fait que... Elle pourrait virer bordélique en tabarnak assez vite. Oui, c'est ça qui arrive. C'est ça le problème. C'est ce que je pense aussi. Puis ceux qui pensent que c'est la meilleure solution, c'est qu'ils n'ont pas vu les autres. Hey, sur ça, on fait crier une petite madame, puis on se retrouve pour une vraie discussion. Alors, on commence cette anthologie Retour en arrière de Romero avec Jeff. Tu nous proposais une petite minute de silence, mais un peu différente. Ouais, ben dans un podcast, c'est pas très vendeur une minute de silence. On risquerait de perdre du monde. Ou il risquerait en tout cas de skipper. Mais je pense que ça serait intéressant pour, en honneur de George Romero, notre ami George, de lever nos verres et de faire nos meilleurs sons de zombies pendant une minute. Pendant une minute? Tu veux vraiment pendant une minute? Ben, en tout cas, je suis content qu'on ait une voix, là. Puis, ceux qui écoutent le podcast présentement, j'aimerais ça que vous le fassiez vous autres aussi. Que vous soyez... Peu importe où vous êtes, là. Dans l'autobus, à l'école. Dans le char, au travail. À la toilette. D'un cours à l'école, moi, en train de pas écouter le prof, malgré qu'on est en plein mois d'août. Bon, ils peuvent bien l'écouter dans deux mois, cet épisode-là, on sait pas. Et voilà. Mais oui, la toilette, c'est bon. Fait que... Ben, là, je regarde l'heure, là. C'est bon? Tu nous as une minute? Oh, boy! C'est bon? Allons-y! Yeah. Yes! Je trouve ça déjà long! Cerveau! Mauvais film, c'est... Kill the tueur! Hey, là, t'as fait combien de temps? 15 secondes. Ben oui, c'est long, une minute! Comment? Elle avait dit, c'est elle qui nous tuerait toutes. Elle serait à travers les zombies, puis là, quelqu'un, il ferait comme, OK, il faut qu'on fasse comme si on était des zombies. Puis après 5 minutes, 5 secondes, on fait comme, hey, je taboute, calice, moi, je cours! Ah, il est où, mon gun? Alors, ben... Veux pas, si on commence une anthologie sur Romero, on n'a pas le choix de commencer avec le premier film qu'il a fait et le film qui l'a mis sur la map quand même assez rapidement, c'est ça qui est fou. Puis c'est Night of the Living Dead de 1968. Jeff, toi, Night, t'es-tu en ordre? C'est ça que j'arrive pas à me rappeler tantôt. Je disais, je sais pas si j'ai vu Night ou Dawn en premier. C'est ça, Night. Je voyais un commentaire tantôt de nos Patreons, Véronique, qui disait je vais être franche, mais même si c'est censé être un classique, j'ai pas trippé sur Night of the Living Dead. Puis je dirais à Véro de pas te sentir mal, là, parce que c'est pas nécessairement un si extraordinaire film que ça. C'est juste que ça a été très marquant, puis ça a changé complètement le mythe du zombie. Tu sais, ça. Il y avait déjà des échos de ça dans. Pas des échos, mais des l'origine de ce film-là se trouve un peu dans le Last Man on Earth qu'on avait parlé avec Vincent Price dans un épisode. Puis c'est un peu le film s'inspire un peu de ça, mais les zombies avant ça, dans les années 30, 40, 50, c'était des zombies voodoo, là, tu sais, c'était des gens qui étaient réanimés, mais c'était pas nécessairement des gens morts qui mangeaient la chair humaine, tout ça. Fait que lui, il est arrivé avec quelque chose, une proposition qui est vraiment plus drastique, puis plus trash, et des images qu'on n'avait jamais vues, des gens morts qui mangent de la chair humaine, tout ça, tu sais, puis c'était vraiment dégueulasse à l'époque, là, j'imagine, en tout cas. Ça devait être très troublant. Ouais. C'est ça, tu sais, puis... d'avoir un noir aussi au top de la distribution, tu sais, c'était... comme personnage principal, ouais. Il l'a dit souvent en entrevue, c'était pas un mouvement politique, pour lui, c'était pas une décision politique, c'était juste c'était le meilleur acteur disponible. Il a passé toutes sortes de monde en audition, je pense, puis c'est comme le meilleur gars qu'il a trouvé, c'est lui, tu sais, c'est parce que ça a juste à donner qu'il était noir, mais tout le monde a vu ça, un genre de commentaire politique. Statement, ouais. Fait que je pense que c'était plus accidentel qu'autre chose, mais non, c'est mais ça. Mais ça devait quand même être rare à l'époque. Là. Je veux pas recenser quoi que ce soit, là, mais quand même. Là. En plus que, non seulement le personnage principal, c'est un noir dans un film d'horreur, puis c'est pas le noir qui meurt en premier. Là, regarde, là. Ouais. Non. Mais après ça, quand les noirs sont mis à être courants dans les films d'horreur, ils crèvent en premier. Non, puis tu sais, t'as comme le gars, le père de famille dans le sous-sol, qui représente un peu le gars moyen, normal, blanc, qui est un esti de trou de cul dans le film, tu sais, c'est... Ah oh, oui, qui est ma famille et moi, et les autres peuvent bien mourir, tu sais. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est ça, le film, il tire avantage du fait que c'est un film indépendant, fait qu'il peut montrer toutes sortes d'affaires, tu sais, ce que les films hollywoodiens pouvaient pas montrer, mais... ça reste que c'est long par bout, les acteurs sont pas bons, en tout cas pas tous. Le noir, je dis le noir, mais l'acteur principal, je me souviens pas de son nom, mais je le trouve bon, mais tu sais, les deux petits jeunes, les deux adolescents, je les trouve affreux, affreusement mauvais. Il y a beaucoup de maladresse. Beaucoup de maladresse, mais tu sais, c'est tout fait par des amateurs, par une gang d'amis à Pittsburgh, tu sais, qui sont là, puis ils veulent faire un film, il y a beaucoup de cœur là-dedans, mais tu sais, il manque un peu le talent, puis des... direction photo, c'est comme si, comme ça. Ça aide que c'est en noir et blanc, parce que ça rend le film plus beau, parce que t'as The Crazies quelques années plus tard, qui est fait avec le même directeur photo, puis je trouve que le film est vraiment laid, The Crazies, en couleur, tu sais. Je sais pas, si je pense que le noir et blanc de Night of the Living Dead l'aide, parce que s'il avait été en couleur, on dirait... Oui. Je suis pas sûr. Déjà dans Down, on voit qu'il y a quelque chose qui est bizarre dans sa vision, ça, qui est non conventionnelle. En tout cas, dans le noir et blanc, ça paraissait moins. Même si rendu à Down, il était plus professionnel un peu dans sa réalisation, puis dans ses éclairages et tout ça. Là, mais... oui. Parce qu'il y a des grosses ombres dans The Crazies, puis dans Night of the Living Dead, t'as des grosses ombres au mur, des trucs comme ça. Tu fais dans le sous-sol, là. Ah oui. Dans le sous-sol, là, genre la mer couchée à terre, puis le père, tu sais, vers la fin, quand ils sont morts, t'as juste comme un spot qui les éclaire, lui, puis là, c'est noir. T'es comme, on a eu des cours d'éclairage à l'université, c'était justement pour empêcher, pour nous montrer comment pas faire ça, tu sais, justement. Ouais. Tu fais pas ça dans un film, mais ça marche dans celui-là, parce que c'est un film qui c'est ça, qui a inventé plein de choses, qui a amené plein de nouvelles choses, puis qui a marqué le départ du zombie moderne, là, qu'on retrouve encore nos jours dans The Walking Dead, puis dans toutes sortes d'œuvres, là. Vraiment, puis qui nous a amené une réplique quand même assez culte. They're coming to get you, Vicky. Parce qu'on veut ton opinion. Ben, moi, je suis pas d'accord avec vous. Shame on you, Véro. Shame on you. En fait, moi, mais j'ai... tu me parlais que c'est un essentiel, là. C'est ça, oui, un essentiel d'université. Moi, j'ai présenté ce film-là dans mon premier Horror Movie Night au bistrot. Puis là, je le mets, puis à un moment donné, je fais « Ah, il y a plus de longueur que je pensais. J'espère que les gens vont pas s'ennuyer. » Moi, je me souvenais de ce film-là comme s'il n'arrêtait pas. Là, j'étais un peu mal. Et au contraire, j'avais pas beaucoup de monde dans la salle, mais tout le monde a été épaté. Ils sont sortis de là le cul à terre avec la finale. Je pense que ce film-là, c'est un film de première écoute. La deuxième écoute, tu vas peut-être voir les défauts d'éclairage et tout et tout. Oui. Mais ta première écoute, t'es flabbergasté. La deuxième moitié est meilleure que la première moitié. Oui. Oui, c'est sûr. C'est souvent le cas avec les films de Romero. J'en ai revu plein cette semaine, puis c'est souvent le cas. Ben, l'intro est efficace. Oui, l'intro est efficace. Mais tout le bout, tout ce que Barbara est dans, allonge les murs, tout ça, pendant que Ben est en train de mettre des planches partout, c'est drôle. C'est drôle, mais c'est un build-up pour la détester, fait que c'est drôle. Ouais. Ce que je veux dire, c'est que ce film-là, tu sais, il y a des moustiques, des films essentiels avant que tu fais... Ah, ok, ouais, c'est vraiment pas genre beaucoup, beaucoup de films, en tout cas. Puis, celui-là, ça me... Ça, non, vraiment pas. Celui-là, au contraire, je l'ai présenté, puis j'étais pas sûre. Les gens étaient vraiment satisfaits. J'avais une femme de Walking Dead dans la salle, justement, et deux jeunes filles fin secondaire, cégep, là. Fait que tu sais, c'est du crime, ça va fesser dans le dash. Les fins du secondaire vont trouver ça plate, puis la fille de Walking Dead va faire « ouais, je vois mieux ». Et au contraire, les deux groupes ont fait « ok, c'est de là que ça part. Ok, il y a tellement... » plein de choses qui est dit à ce moment-là, il y a plein de choses qui est faites, plein de personnages qui est mis en place qu'on va revoir, puis là, je leur disais, retourner avec, moi, j'ai mélange, là, Dawn of the Dead et Day of the Dead, là. Dawn, c'est le centre commercial. Oui, c'est ça. Je leur disais beaucoup, allez voir Dawn of the Dead, qui est beaucoup, que Walking Dead calque beaucoup, on y reviendra, mais moi, Night of the Living Dead, non seulement c'est un essentiel, mais c'est un essentiel que je n'ai pas peur de conseiller, c'est un essentiel que je me fais un plaisir de repasser quelquefois au bistrot là, vers 5-6 heures avant un événement, parce que je trouve que ce film-là, si tu l'as pas vu, tu vas avoir envie de le voir. Tu vois juste un moment, tu vois juste une scène, tu vois juste un extrait. La bande-annonce est vraiment efficace aussi, parce que mon Horror Movie Night, il venait comme, je ne me souviens plus quand, mais c'était au milieu du mois. Fait que je mettais la bande-annonce du film pour attirer les gens à cette journée-là avant d'autres films. Puis ça pognait, les gens trouvaient, ben voyons, ça a l'air le fun. Puis tu sais, tu dis que c'est 68, puis bon, ils font comme, ah ouais, 68 sont allés là pour tel enfer. Je pense qu'il tue un enfant aussi, ou en tout cas un ado dans le film. Puis il y a plein d'enfants qui est percutant, qui est mémorable. Fait que je pense qu'une première écoute était nécessaire, mais la deuxième, effectivement, une deuxième écoute, on a souvent un regard critique. Donc, c'est pas une écoute critique qu'il faut faire, par exemple. Ce film-là, c'est pas une écoute critique. Je pense qu'il faut... Ouais, non. Faut se laisser aller. Tu laisses aller. Oui, c'est une écoute vraiment que tu dis, ah, oh, ouais, ils font ça. Tu sais, vraiment, là, mets-toi dans un mood du film d'horreur, là. Ferme toutes les lumières de ton salon, grosse doudou, popcorn. Mets-toi dans un mood du film d'horreur, puis tu vas être frappé par ce film-là. Il va te prendre, il va t'amener où ce qu'il veut t'amener. C'est quoi? Jack, qu'est-ce que tu veux Don't nous montrer? Don't watch it alone. Oh, sur la pochette du DVD, ouais. Ouais, c'est ça. Ah, t'as la même édition que moi. Ouais, une édition. Ah, moi, cheap. J'en ai trois, je pense. Ouais, j'en ai écoute. Trois éditions. Ben, on va en parler. Pourquoi il y a autant oui, d'éditions? Oui, non, mais oui, je voulais justement qu'on en parle, oui. Cheap. Vas-y. En fait, Night of the Living Dead, ce qui est arrivé, c'est que Romero n'aurait pas posé de trademark, n'aurait pas payé les droits d'auteur, mais pas volontairement, il n'aurait pas souscrit son film aux droits d'auteur, ce qui fait en sorte que son film est tombé dans le domaine public rapidement et immédiatement. Comme si tu n'enregistres pas ton nom d'entreprise ou ton logo, par exemple, ça fait en sorte que tu peux le réutiliser. Ou ce qu'on voit souvent, mettons, des domaines, des www.horrorgamer, c'est quoi notre titre, mais en tout cas, si on le laissait tomber, il pourrait se faire racheter, tu sais. Oui. Moi, la capsule, là, je reçois beaucoup de messages de gens qui veulent racheter mon domaine. T'sais. Donc, mm-hmm. C'est ça qui est arrivé. C'est que son film est tombé dans le domaine public très rapidement. Donc, c'est ça ce que je pense que ce qui s'est passé avec Night of Living Dead. C'est que, si j'ai bien compris, au début, ça devait s'appeler Night of the Flesh Eaters. Puis, il y avait un copyright juste en dessous du titre quand il apparaît à l'écran. Puis, quand ils ont changé le titre, ben, ils ont oublié de mettre ce petit copyright-là en dessous du titre. Fait que ça a fait que ça a annulé le copyright. Tout à fait, j'ai entendu la même histoire, j'avais juste oublié dans mon explication, parce que où est-ce que je voulais en venir, moi c'est comme la deuxième étape, celle que moi je connais le plus. En fait, c'est que un film appartient à la personne qui a fait le copyright, mais je vous dirais que de nos jours, c'est sûr que dans le monde de l'horreur ça arrive moins, mais de nos jours la majorité des copyrights appartiennent aux studios. Okay. Ouais. Les studios détiennent, c'est eux qui achètent maintenant les scénarios et qui trouvent les réalisateurs. On a encore des petits exemples comme le premier Saw, Décadence, le premier Paranormal Activity, sont des exemples que les studios ont rachetés. Mais Night of the Living Dead, ce qui est arrivé, c'est qu'il est comme tombé entre deux chaises. Il n'a pas été racheté par des studios et il n'a pas été copyright par son réalisateur. Ce qui fait que c'est comme une zone floue. Et ce film-là peut se retrouver dans plusieurs amalgames, là, voyons, de collections, ouais, whatever. Dans plusieurs coffrets, parce que ce qui arrive, c'est qu'il appartient à aucun studio. Fait que les studios, tu n'as pas de redevance à payer à la Universal, apparemment, et si c'est ça. Fait que quand, mettons, tu veux essayer de vendre un film, ben c'est facile de se dire, ben moi je vais le mettre au travers d'un coffret avec Night of the Living Dead parce que j'ai une chance de le vendre à quelqu'un qui n'a toujours pas Night of the Living Dead et ça me coûte rien. Fait que là, tu me dis qu'on pourrait décider avec Horror Gamer de lancer notre premier DVD. On va le distribuer, Night of the Living Dead. Ben, ça serait marrant. Autant il y en a par contre qui se les acquièrent. Je pense que Simon Predge a toute une histoire par rapport à ça, justement, où il a fait une vidéo YouTube avec un film qui était tombé dans le droit d'auteur commun, donc. Et il y a, je me souviens plus c'est lequel, je ne voudrais pas faire d'erreur et polluer le nom de cette entreprise-là. Mais il y a une entreprise qui a dit « Non, les droits d'auteur nous appartiennent. » Et Prench s'est battu avec YouTube pour prouver que les droits d'auteur étaient tombés dans le droit commun et qu'il avait le droit de le faire. Et il a gagné. Félicitations, Prench, parce que c'est tout un combat. Tu as vraiment tout mon respect. Mais c'est ça, c'est qu'il y a des droits d'auteur qui tombent dans le droit commun, mais c'est très, très, très rare en cinéma. Par exemple, Charlie Chaplin a tellement bien protégé ses droits d'auteur que c'est toujours sa famille qui reçoit les droits. Sa descendance qui reçoit les droits. Mais en cinéma, on y pense pas. Et c'est pas comme en littérature où c'est très facile. Le droit d'auteur appartient à son auteur. Mais en cinéma, c'est difficile de savoir à qui appartient un droit d'auteur. Est-ce que c'est au studio? Est-ce que c'est au producteur? Est-ce que c'est au scénariste? Est-ce que c'est au réalisateur? C'est hyper difficile. Pour moi, on rentre pas dans les séries télé encore. Donc, c'est pour ça que les droits d'auteur en cinéma, parfois, ils sont revendiqués, mais il y a moyen de dire « attendez un petit peu ». Et l'autre affaire, c'est la distribution. Comment ça fonctionne? C'est que chaque pays a un modèle de distribution. Ça veut dire que chaque pays a des distributeurs attitrés, accrédités, pour avoir le droit de distribuer un film, autant en salle parallèle comme la mienne, ou en DVD. Fait que Night of the Living Dead, peut-être que quelqu'un s'est approprié les droits de distribution puis s'est dit « Non, maintenant, moi, j'achète ces droits-là. Il y a juste moi qui ai le droit d'imprimer ce film-là. » Et là encore, il y aurait le droit. C'est pas super legit, mais il y aurait le droit de dire que moi, j'ai acheté ces droits-là. Alors qu'à ce moment-là, il y a un droit de distribution, ce qui veut dire que, par exemple, moi, j'ai une copie ici, là. C'est une copie remasterisée, mais on oublie, mettons. On se dit « Bon, ben moi, j'ai une copie. » Et ici, c'est le Home Entertainment Fox. Bon, ben Home Entertainment Fox possède les droits de cette copie-là. Ouais. Et moi, j'ai pas le droit de reproduire cette copie-là parce qu'elle appartient à quelqu'un. Et ouais, au Canada, ouais, il y a très, très, très peu de compagnies de distribution qui font en sorte que tu n'as pas plus le droit d'acheter la copie que j'ai et de la copier et de la donner à JF parce que la Fox est un distributeur officiel du film. Fait que ça, c'est quand même flou quand les gens disent « Ben non, Night of the Living Dead appartient à tout le monde. » C'est pas vrai. Il y a plusieurs strates de droits d'auteur qui s'appliquent. Reste que c'est quand même cocasse de se dire que, vu qu'il est tombé entre deux chaises à cause d'un problème de titre, si on veut, vu qu'il est comme tombé entre deux chaises, ce film-là peut être reproduit par à peu près n'importe qui. C'est quand même le fun de savoir. Puis, il y a eu... Cool. Des tonnes de versions, je rentrerai pas là-dedans parce que je les ai pas vues nécessairement, mais tu sais, t'as eu la version 3D à un moment donné avec le gars qui faisait Captain Spaulding dans les films de zombies. T'as eu une version reanimated où genre t'as 30 dessinateurs de films animés qui ont fait genre des scènes différentes là, t'sais, avec des styles différents. T'as eu toutes sortes de remakes, toutes sortes d'affaires de versions différentes. Oui, parce que tout le monde pouvait faire un remake s'il voulait. T'sais. Puis il y a eu quelque chose de particulier pour les 30 ans du film en 98. Il y a des gens qui ont travaillé sur le film original, dont le premier zombie qu'on voit à l'écran, le zombie du cimetière, Bill Hinesman, qui était le directeur photo du film. Lui, plus John Russo, qui est un des co-auteurs du film, qui est co-auteur avec George Romero. Puis ben, c'est ça, d'autres personnes ont comme filmer des nouvelles scènes, on fait un peu du George Lucas, ils ont filmé des nouvelles scènes pour mettre au début du film, dans le milieu du film, puis à la fin du film, puis essayer d'intégrer ça au film original, fait que ça se passe à la même époque, tu vois l'origine l'origine du premier zombie, yeah. Tu vois toutes sortes, puis c'est ça, les acteurs sont mauvais, puis il y en a un en particulier, qui celui qui a fait de la soundtrack, c'est une soundtrack de synthétiseur vraiment mauvaise, qui fait un genre de preacher par rapport, là, t'sais, puis c'est dégueulasse les scènes. Là. La version de 30e anniversaire doit être vue pour les gros fans, tu sais, il faut que ça soit vu une fois dans leur vie, mais c'est mauvais. Faut que tu saches que c'est très mauvais. C'est juste à la fois drôle, puis à la fois que t'as envie. C'est comme des ongles sur un tableau. Là. Tu fais, oh, calice que c'est dégueulasse. Là. Comme l'exemple que j'ai en ma possession, qui est Night of the Living Dead, coloré. Ouais. Pourquoi? Non, oui. Est-ce que parce que la Fox trippait autant? Ben non, c'est parce qu'en faisant Night of the Living Dead, la version colorée, maintenant la Fox détient les droits de Night of the Living Dead, version colorée. Ça veut dire que si au bistrot, je décide que mes clients sont pas prêts à écouter la version noir et blanc parce que c'est des jeunes, parce que si, parce que ça, et je mets la version colorée, là, il faut que je paye des droits à la Fox. Mm-hmm. Parce qu'ils l'ont recolorée, fait que cette version-là leur appartient. C'est quand même fou, là, quand on y pense, là. Es-tu belle? Je l'ai pas écoutée. Okay. Exactement, je l'ai pas écoutée. Ça faisait partie des films que j'ai achetés. Mais j'ai pas osé. C'est jamais de vraiment. C'est rarement réussi d'habitude. Non. Puis, une dernière anecdote aussi par rapport à Return of the Living Dead de 1985. T'as eu comme un split avec George Romero par rapport à Night of the Living Dead de 1978. T'as eu un split entre lui puis la gang, comme je disais tantôt, John Rousseau, puis Russell Striner, puis d'autres personnes qui ont travaillé sur le film, qui eux, dans les années 80, ont voulu faire une sorte de suite à Night of Living Dead, ou en tout cas un film qui s'inspirait, qui continue un peu la saga, puis ça a été Return of the Living Dead. Puis ils ont eu les droits en cours, ils se sont battus en cours, je pense, contre Romero, puis lui a eu les droits d'appeler ses films Off the Dead, c'est pour ça qu'il y a Dawn of the Dead, Day of the Dead, puis eux autres, ils ont eu les droits de Off the Living Dead, fait qu'ils ont Return of the Living Dead, puis c'est ça. Fait que c'est une grosse, gros conflit par rapport à cette gang-là. Ouais, c'est vraiment compliqué, les droits d'auteur, mettons, pour... Au Québec, là, pour une salle comme la mienne, un bistrot cinéma, tu as deux compagnies qui font dans les droits de projection publique dans des salles payantes. OK, tu en as juste deux. Mais moi, les films québécois, tu as quatre compagnies qui font de la distribution. Mais ils sont obligés de passer par ces deux-là. Fait que, mettons, un petit film québécois qui a fait même pas 100 entrées, c'est même pas 100 personnes l'ont vu, moi, j'aurais pas le droit d'aller dire, gars, viens donc faire une projection gratuite. On met ça 5$ à la porte. Tu gardes toutes les 5$, puis on va juste partager ton film. Eux-mêmes n'ont plus le droit de faire ça. Faut qu'ils passent par une des deux grosses compagnies. Puis, tu sais, une de ces compagnies, la Fox, Disney, a toutes les autres, là. Fait qu'elle pousse pas pour les petits films québécois. Fait que quand on dit pourquoi est-ce que les films québécois, un coup, sont plus dans le circuit, on les voit plus, c'est parce que j'ai le choix entre Civil War, Captain America Civil War, ou un film québécois, puis ils sont le même prix. Ouais, le vendeur. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est vraiment un système complexe, les droits d'auteur. Je me permets d'en parler parce que je sais qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui disent qu'ils trouvent ça intéressant. Puis Night of the Living Dead, c'est vraiment un cas de droits d'auteur vraiment intéressant où je pourrais le mettre à l'infini au bistrot. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui pourrait m'appeler puis dire « Ouais, c'est quoi ta copie? Parce que moi, je détiens les droits de cette copie-là. Là, tu m'as jamais payé de droits. Mais à ce moment-là, je paye des droits à la Universal. Je veux-tu vraiment donner de l'argent à la Universal? » Mais ça pour un film pas, qui ont. C'est ça? Pour un film qui n'ont pas donné une crise de scène? Ouais, c'est ça. Qui ont juste volé. C'est quasiment rendu là. C'est quasiment un peu quasiment appelé ça du vol. Fou, hein? Hey, moi, je voulais vous faire un statement. Oui. Vas-y. Parce que je sors de toute cette saga de droits d'auteur. Je préfère le remake de Savini. Il est plus d'action, J'aime beaucoup le remake de Savini. Je trouve qu'il... Autant que l'original s'écoute bien, puis comme tu dis, Vicky, on commence pas à faire de l'analyse, quoi que ce soit, on l'apprécie pour ce qu'il est. Je trouve que le remake de Savini va justement prendre plusieurs de ces erreurs-là de l'original et les corrige un peu. Puis j'aime bien ce qu'il fait avec sa finale. Il peut peut-être un peu épais dans son message avec les rednecks à la fin, puis tout ça, là, ça devient un peu très très gros. Mais c'est ça, moi je l'aime bien, son intro est bonne, son développement est bon. Il a corrigé le personnage de Barbara, là, et moins. Oh mon dieu, moins, oui. Ah oui, non, ça c'est je pense que c'est la meilleure amélioration de tout ce film-là. Mais j'aime qu'à la fin. Il souligne la genre de d'absurdité du fait qu'il y a personne qui, s'ils avaient travaillé ensemble, rien de tout ça se serait passé. Ouais. Le sous-sol était la place la plus safe. Il y avait un grenier qui était une place la plus safe, mais ils n'ont juste jamais essayé de fouiller. Les clés de l'auto, pas de l'auto, mais du gaz, étaient au sous-sol. Finalement, la fille qui disait tout le long, on peut sauver son sont trop lents, on est capable de courir. C'est comme ça qu'elle s'en sort à la fin, tu sais. Lui, le personnage principal, tu sais, qui est dans le fond le même personnage noir que dans les deux films, tu sais, il arrête pas de dire non, on s'en. On reste dans la maison, puis on reste barricadé, c'est la meilleure solution. Et finalement, c'est la pire solution. C'était la pire solution, c'est lui qui l'a vu. Puis parce qu'il parlait plus fort, parce qu'il était plus. C'est sa solution à lui que tout le monde a adopté, puis c'est ce qui a amené à la perte de tout le monde. Parce que toutes les autres avaient des meilleures idées que lui. Ça, je trouve ça vraiment le fun. Parce qu'à la fin, tu sais, quand justement il est enfermé dans le sol, puis il se rend bien compte qu'il est en sécurité, puis que les clés sont là, il est juste en train de rire, en train de se rendre compte à quel point ils ont été caves. J'aime beaucoup. Dans l'original, c'est vaguement différent. Un petit peu dans l'original, dans le sens que moi, je suis plus d'accord avec lui, puis je suis pas d'accord avec l'autre, je ne rappelle plus de son nom, M. Cooper, qui lui veut s'enfermer dans le sous-sol. Moi, je suis comme, non, c'est un piège à rôle, le sous-sol. C'est comme, tu peux quand même essayer de sortir de la maison s'il arrive de quoi, si les monstres commencent à rentrer. Tu peux essayer de t'en sortir peut-être avec des fenêtres puis des portes, tandis que le sous-sol, il n'y aura pas d'autre issue, tes poignets là, tu sais. Non, mais finalement, ça s'avère la meilleure solution. Et si seulement il avait vu qu'il y avait un grenier. Regarde, c'est la solution A1. Ça, il n'y a pas de grenier. Ça, puis détruire des marches. Ça, détruire des escaliers, c'est toujours la meilleure solution. Mais c'est le pattern de tous les films de Romero, quasiment. En tout cas, des films de zombies, c'est la stupidité. Mauvaise décision. Oui, la mauvaise décision des gens et la. C'est pas les morts vivants qui sont la grosse menace, c'est les autres humains autour de toi. Mmh. Dans le corps de ces films-là. Il le fait avec plus de fun qu'un Walking Dead, je trouve. J'ai pas été assez loin dans Walking Dead pour dire. Mais je trouve qu'il l'a fait avec beaucoup plus de cynisme. En tout cas, tu sais, mais des fois, son message est très appuyé, puis c'est très beurré épais, là, mais dans certains films. Là. Mais si on passait à un autre film, justement... Oui, c'est ça que j'allais dire, là, parce qu'écoute, tout ce on temps... On en a un. Ouais. On va pouvoir en skipper une couple là, dans les prochains, je pense. Non, mais vas-y, moi j'ai comme perdu la liste IMDb. Alors. Le suivant, c'est There's Always Vanilla, que j'ai jamais vu. Moi non plus. Bon, non plus. On le skip. Désolé pour les fans. Season of the Witch. Tu le connais pas du tout? Non, j'ai jamais vu. Puis okay. Season of the Witch. Même pas entendu parler. Non. Season of the Witch, non. Non, moi non plus, je l'ai pas vu. Je fais juste capoter que c'est le même titre qu'Halloween 3. Moi, ouais, c'est bizarre. Fait que, ben non, c'est ça, on va les skipper, mais s'il y a des fans, des gens qui vraiment les adorent, des films, parlez-nous dans les commentaires, puis s'il faut si vous nous dites qu'il faut absolument les voir, on va les voir, là, tu sais. Oui, tout à fait, j'adore les suggestions de films. Mais je vais sûrement les voir un jour, c'est les deux seuls qui me manquent, je pense, dans sa filmographie. The Crazies, je l'ai vu cette semaine pour la première fois. J'ai seulement vu le remake aussi. J'avais juste vu le remake. Alors, vas-y, Jeff. Convainc-nous qu'ils vont le voir ou pas. Non, je vous convaincrai pas parce que moi, j'ai pas aimé ça par rapport au remake. J'ai beaucoup aimé le remake quand ça a sorti. Je sais pas si je fais partie des seuls qui l'ont aimé. Je sais pas trop c'est quoi le consensus sur le remake. Non, c'est bien. Moi, j'avais pas détesté. Ça restait qu'il y avait des séquences, des moments qui étaient très mainstream horreur. Là, tout ce qui est plus banal. Mais il y avait vraiment des moments vraiment intéressants. Est-ce qu'on est vraiment ailleurs? En termes de réalisation, en termes de jeu, puis de manière de raconter aussi, parce que The Crazy, c'est fait encore là très très cheap, comme le premier film, puis comme les deux autres qui ont suivi. Puis, c'est 5 ans plus tard seulement. Là. Puis c'est la même équipe technique ou presque, puis c'est fait aussi amateur, puis c'est beaucoup de monde qui jase, puis tu sais. Comme je disais tantôt, la première moitié est vraiment dolle par rapport à la deuxième moitié. Moi, c'est mon constat de. Quasiment tous ces films, là, mais la deuxième moitié, le rythme embarque plus, puis tu sais, là, j'ai eu un petit peu plus de fun, mais n'empêche que j'ai pas eu le fun que j'ai eu avec le remake, puis c'est peut-être un blasphème, là, je suis désolé, mais j'aime vraiment plus le remake. De mémoire, il faudrait que je le revoie, le remake, mais j'ai pas trippé, pas en tout, sur The Crazies original. Mais je pense que c'est le cas pour bien du monde. Tu disais tantôt que Seb, que tu as été introduit à Romero par le remake de Dawn, puis je pense que beaucoup de monde de cette génération-ci, de notre âge, c'est ça qui ont grandi. Night, c'est Night of the Living Dead. Mais le remake de Dawn a introduit beaucoup de monde à Dawn, ce truc-là. Je pense pas que le remake de Day of the Dead, ça a fait grand-chose, mais The Crazies, ouais, ça a... Ouais. Je pense pas que beaucoup de monde l'avait vu à l'époque. Je sais qu'il a été présenté cet été en 4K pour souligner la mort de Romero là, à Fantasia, mais c'est le film, il a été bien conservé puis tout, l'image est belle, mais c'est comme c'est mal foutu comme film, je trouve. C'est amateur. Le jeu est tellement amateur. T'sais, j'ai aimé des petits détails comme voir le professeur de Day of the Dead, le professeur fou Dr. Frankenstein, dans un petit rôle dans The Crazies, 10-15 ans plus jeune. Je suis comme, t'sais, c'est drôle de le voir là. Mais les acteurs sont mauvais, je trouve. Est-ce que tu penses que c'est vraiment un film... T'sais, parce que bon, il y a eu un remake de The Crazies. Est-ce que ce film-là mérite d'avoir une statue de culte, quoi que ce soit, ils ont fait un remake parce que, écoute, ils ont vagué sa. Ils ont surfé sa vague, Romero. Je pense qu'ils surfaient sa vague. Mais, mais je pense que le remake est meilleur, selon moi. Puis si je checkais les commentaires un peu sur. Ben, je checkais juste la page Wikipédia, puis les critiques professionnelles ont quasiment tout dit que le remake était meilleur. Fait que... Ok, fuck. Je serais curieux de voir le remake de The Crazies en temporalité versus celui de Dawn. Est-ce que genre le remake de Dawn a pogné puis tout après ils ont fait comme OK vite, faut tout refaire de Romero. Mais c'est ça, ils ont fait Day of the Dead, ils ont fait une suite à Day of the Dead qui n'a pas rapport là, tu sais, puis ils ont fait The Crazies. Je le conseille le remake à écouter. Ben, dommage. C'est ça qui est fou. On pourra peut-être continuer à en discuter au fur et à mesure qu'on avance dans les films. Mais je pense que Romero, sans avoir toujours créé des chefs-d'œuvre, il a créé des films qui ont marqué. Au point où, tu sais, quand tu dis qu'un remake est meilleur que l'original, oui, ça veut dire que l'original était bon, mais ça veut dire qu'il y avait des faiblesses. Mais ça reste que il y avait un matériel de base qui était assez solide pour qu'on dise, regarde, ton idée est bonne, j'adore ce que tu as fait, je veux juste la prendre. Puis de l'améliorer un peu. Je pense que dans beaucoup des cas de ces films, je pense que le scénario est plus fort que le film. Ouais, exact. Oui. Le film va rarement au bout des possibilités du scénario pour des raisons de budget, pour toutes sortes de raisons. Puis The Crazy, c'était ça. Pour bien des films, là, tu sais. Puis souvent, il s'est fait mettre des bâtons dans les roues pour bien des affaires, là, tu sais. Puis quand c'est mon point de départ. Romero a jeté beaucoup de bases, mais sa finalité n'est pas arrivée encore. Non, malheureusement. Elle n'arrivera jamais, malheureusement. Non, puis je pense que même, tu sais, dans les dernières années, Romero, tu te dis, coudon, c'est une légende. Puis il arrivait difficilement à faire des choses. Ça a toujours été un gars indépendant. Ouais. Il n'a jamais voulu jouer à Game des studios. Les rares fois qu'il l'a fait, ça a donné Monkey Shines. Ça a donné, tu sais. Monkey Shines, il s'est fait chier par le studio avec ce film-là. Hey, mais je l'ai vu, celui-là, fait qu'on en parlera. On en parlera tantôt, oui. Ouais. Oh, oui, on va en parler tantôt. Mais si je l'ai vu hier ou avant-hier. On passe. Après ça, on skip les TV specials et les documentaires, Martin, on en a parlé dans un épisode. Martin, on en a parlé dans un épisode. Je m'en souviens même pas. Moi non plus, je m'en souviens pas. J'ai quelques scènes. Je sais que c'est le film préféré à Marc-Antoine Labonté, je pense, dans la filmographie de Romero, mais. Oui. Je me souviens qu'il y a comme des. On voit le moment réel, mais lui, dans sa vision romantique. Romanisé, je sais pas trop comment dire ça, mais du vampire ou ce qui se voit vraiment vampire alors qu'il n'est qu'un gars qui se pense vampire. C'était lourd. Je me souviens qu'on avait trouvé ça lourd. Long. Il faudrait que je réécoute l'épisode, mais il me semble qu'on n'avait pas tout. Ouais. On n'avait pas aimé ça. Non, on n'avait pas Steven. Je sais pas c'est quoi son opinion, mais. Moi, je me souviens que l'acteur principal, je l'aimais pas. Moi, ouais. Je me souviens d'arrière. Je pense que ça veut tout dire. Mais non, ouais. Honnêtement, moi, Martin, je passe à côté, là, sérieusement. Ce n'est pas un film que je mets sur ma liste de « Je lui donne une deuxième chance ». Mettons que si tu me dis que Marc-Antoine Labonté dit que c'est son préféré de sa filmographie, il va falloir que tu travailles fort pour me le convaincre. Ou c'est un de ses trois préférés. Il me semble que oui, j'ai vu ça passer. Après ça, on tombe. Ben écoute, Jeff, on tombe sur Dawn. Ouais, je me doutais bien. Je l'ai aussi, celui-là. C'est l'édition à avoir. L'édition à 3 films, 3 versions du film. Puis la version VHS. Que j'ai jamais pris la peine de regarder. Quelle belle pochette. Tellement nice comme pochette. Ah, mais j'ai oublié ça. Ah ouais, ça, j'ai... Hein? Non, mais non, c'est une fausse signature. C'était tout le monde, c'est imprimé dessus. Là. Mais j'ai aussi la soundtrack en vinyle. Mais non, c'est ça, Down. C'est... Ouais, mais t'as pas écouté les trois versions, non? Ben, la version d'Argento est pas mal la plus connue parce que c'est celle-là aussi qui a été traduite en français. Fait que ceux qui l'ont vu en français ont vu la version Argento. Puis c'est sorti partout en Europe, cette version-là. C'est une version plus action et je pense qu'il y a plus de gore et tout ça. Il a enlevé tout le côté humour et développement plus de personnages. Il a gardé surtout l'action et tout ça. Il a refait le montage. Dario Argento a eu accès à tout le footage puis a fait le montage de sa version européenne avec la musique de Goblin à full pin. Là, c'est vrai. Puis la musique de Goblin était présente dans la version normale, theatrical du film, mais est encore plus présente dans la version d'Argento. Il a remanié un peu les chansons, la musique, je veux dire. Puis t'as la version de Cannes, qui était le premier montage que Romero a présenté justement au Festival de Cannes, mais ça, c'est trop long, il y a trop de scènes pour rien, puis lui-même préfère la version theatrical que celle-là. T'sais. Fait qu'il a quand même été capable de présenter Down à Cannes. Oui, oui. Okay. Mais oui, parce que il y a tellement de constats sociaux dans ce film-là. Oui, je sais, mais... Non, je pense que Cannes est prêt pour ça. Non, c'est aussi un marché. C'est un marché de film, Cannes. T'étais pas en compétition, c'était juste... Ouais, OK, t'étais peut-être pas en sélection officielle ou quoi que ce soit. Tu présentes ton film, tu le fais acheter comme au marché frontière Fantasia. À Fantasia ou peu importe. Non, OK, c'est bon, parce que je me disais, on est en 78, puis ça reste de l'horreur. T'sais, c'était pas encore quelque chose que le monde considérait comme... un style... Puis Romero était marginal encore. Très marginal. Fait que c'est pour ça que ça me surprend. Mais ouais, effectivement, c'était juste aller le présenter sans dire Cannes le met dans sa sélection officielle de concours. Donc, je pense pas qu'il était en compétition pour la Palme d'Or. Non, c'est ça. tu me surprenais. Là. C'est, ouais. C'est juste que c'est ça. J'étais en train de tomber en bas de ma chaise. J'ai marqué le montage pour Cannes, mais non, je sais pas... mais c'est ça, moi ça reste mon film d'horreur préféré. Pourquoi? Pour un million de raisons, puis tu sais, c'est très subjectif. Là. J'aime juste l'ambiance de ce film-là, j'aime vraiment trop ça. J'aime les zombies, même s'ils sont gris-bleus. Ouais, ça c'est bizarre un peu. C'est du mauvais maquillage. On n'est pas habitué. C'est bizarre de dire du mauvais maquillage de la part de Savini. Oui, mais c'est amélioré. Tu vois l'amélioration avec Day of the Dead. Day of the Dead sont vraiment super beaux. C'est un mélange peut-être de couleurs qu'il a fait puis que ça n'a juste pas donné le résultat qu'il voulait à la pellicule. Je sais pas. Il y en avait 8 gallons puis il a fait comme un chute. Ben, faut que je les passe. Mais j'aime les personnages. J'aime les deux gars de l'armée. J'aime la relation entre la femme puis son chum. Je l'appelle tant Flyboy, mais c'est Steven son nom. Mais c'est ça. J'aime toute leur dynamique à ces quatre-là. Puis comment est-ce qu'elle s'affirme, tu sais, elle est pas comme Barbara dans le premier film, elle a dit, gars, vous allez me donner un gun, parce que c'est fini que vous me laissez tout seul, pas de gun, je vais apprendre à conduire l'hélicoptère s'il arrive de quoi à Steven, etc. Elle s'affirme, là, tu sais, c'est pas replay, mais elle s'affirme. Puis j'aime les zombies qui ont presque toutes des personnalités, tu sais, le gros monsieur qui monte l'escalier roulant, tu as le Krishna, t'as toutes sortes de monde. Il avait fait un petit peu ça dans Night, là, mais vraiment saupoudré de personnalité aux zombies, mais vraiment dans Dawn, oui. Il se donne des zombies qu'on reconnaît. Puis j'aime Tom Savini puis sa gang en moto. Même s'ils viennent foutre la pagaille, ils ne les aiment pas en tant que personnage, mais non. C'est drôle. Tu vois qu'ils s'amusent à fond dans le centre d'achat, puis à tout péter, puis à se prendre avec le moto, puis tout. Puis Savini est fou dans ce film-là. Ah, mais à ma première écoute, ça m'avait frustré, ça, cette séquence-là des motards. J'étais en tabarnak. J'ai réussi à tout sécuriser, le centre d'achat. Ouais, là, j'étais comme tabarnak. Tu sais, là, j'étais en crise après le film, puis j'avais fini le film, j'étais comme, c'est de la merde, c'est une crise de merde. Puis là, à un moment donné, j'ai comme allumé, OK, non, c'est bon, c'était exactement ça le but. C'est de montrer que la seule chose qu'il pouvait faire en sorte que de la merde pogne, c'était d'autres humains. Ben oui. Là, tu fais comme shit dans marde. Puis là, genre, après ça, j'ai réussi J'ai ça, mais je pense que la première fois que je l'ai vu, j'étais vraiment très jeune. Puis oui, c'est ça, moi aussi. J'étais plutôt au mauvais maquillage pour mauvais zombie, puis j'ai fait comme, ben voyons, c'est donc ben poche, tu sais, mais il me semble que c'est pas ça. Puis, tu sais, mais comme vraiment l'ado rebelle, là, hashtag rebelle, tu sais, là, heure que, vraiment pas, là, tu sais. trop pas. Trop full pas. Ah non, tellement pas. Puis tu sais, j'étais dans une passe en plus où j'écoutais pas de film d'action parce que tu sais, il y a tellement pas de créativité dans un film d'action. On dit ça. Fait que tu sais, j'étais dans une passe, c'était un peu renier mon film d'horreur. Donc oui, j'avais de la difficulté avec ce film-là. Puis, à un moment donné, je me suis dit, non, c'est un chef-d'œuvre de zombies, il faut que je le revoie. Là, j'explorais vraiment le monstre, le zombie, l'horreur et tout ça. Et quand je l'ai revu, j'avais écouté à peu près 2 à 3 saisons de Walking Dead. Là, j'avais vu le General, on était rendu au General. Au General. Okay. Je me suis fait, mais c'est ça. C'est ça. Ce film-là a jeté toutes les bases. Et si vous me permettez une anecdote, j'ai perdu d'amitié à cause de ce film-là. Parce que justement, là, j'ai 25 ans, 26 ans, peut-être 27. J'ai dépassé ma phase rebelle. Là. Maintenant, je comprends l'importance de chaque film, puis de replacer et tout, de replacer chaque film dans son histoire et tout. Et là, je parle à une amie qui trippe film de zombies, et elle me dit que elle veut pas le voir parce que c'est trop vieux. Elle veut pas voir Night of the Living Dead parce qu'on voit le temps, puis elle veut pas voir celle-là parce que c'est trop vieux. Mais elle, finalement, quand elle me parle, elle aime les jeux de PlayStation ou Xbox. Excusez-moi, je suis pas une gamer, là, mais il y a des jeux Walking Dead et il y a des jeux de zombies sur PlayStation ou Gamebox. Xbox. Ah, les Resident Evil. Ouais, c'est peut-être trop vieux, les Resident Evil, pour elle. Ben, peut-être. Le premier, c'est passé date, en tout cas. Fait que là, on parlait, puis tu sais, c'était une collègue de travail et amie, puis j'étais comme, moi, mais faut t'écouter ça. Puis elle dit, ouais, mais j'ai vu le remake. Oui, il est excellent, le remake. Mais c'est pas ça. Je veux dire, tu peux pas dire que tu tripes zombie comme moi puis que tu tripes Walking Dead et tout sans aller chercher les bases. Mais à la base, tu peux pas dire que t'as vu un film parce que t'as vu le remake. Et voilà. Aussi. Si t'as vu le remake, dis pas j'ai vu le film, j'ai vu le... Et voilà, tout à fait. Comme tout si je te disais, t'es-tu allé voir le show de YouTube au Centre Bell? Oui, j'ai regardé une vidéo sur YouTube, voyons donc. Et ouais. Voilà, je suis allé pareil. J'ai acheté le DVD, tu sais. C'est ça! Fait que moi, ce film-là, ce film-là m'a fait rendre compte de quelque chose, puis tantôt, on a comme eu un bug technique, puis j'étais sur les réseaux sociaux, et j'ai lu quelqu'un qui disait « Human Centipede 2, c'était de la merde parce que c'est en noir et blanc ». Puis on dirait que ce film-là m'a fait prendre conscience de quelque chose, je vais être hyper snob, mais je vais l'assumer. Il y a un fan d'horreur, puis il y a le fan d'horreur. Il me semble qu'il y a deux catégories. Il y a une espèce de catégorie de consommation, de vouloir toujours plus, toujours mieux, toujours différent. Puis il y a des gens qui vont s'asseoir devant des films, puis qui vont réfléchir à ce qu'ils regardent. Et je pense que ce film-là, c'est ça. C'est que tu regardes un film, mais que chaque moment, il faut que tu ailles au-delà de ce qu'on te présente. Mais tu veux parler du noir et blanc, je vais faire une petite parenthèse, mais ça m'a vraiment frustré, moi, l'année passée, puis c'est la première fois que je le dis, là, surtout dans un épisode, je le dis, puis Seb, il coupera le bout s'il veut, mais ça m'a vraiment frustré durant les 31 jours que les deux films que j'ai proposés, personne quasiment les a regardés. Mais, tu sais, le film de Marc-Antoine aussi était touché, Night of the Hunter, mais les deux miens que j'ai proposés étaient en noir et blanc, puis vieux, puis personne s'est vraiment forcé pour les regarder dans l'équipe à peine, tu sais, puis pas en crise, là, mais j'étais vraiment frustré. J'étais comme, ok, c'est beau, l'année prochaine, je pense que j'en ferai pas, là, l'année prochaine. Mais je vais en faire cette année, je vais en proposer, mais ça m'a vraiment fait chier sur le coup. J'étais comme, j'essaie juste d'amener ça un petit peu ailleurs, pas tout le temps les mêmes maudites affaires que tout le monde propose, mais en tout cas. Je comprends très bien, parce que c'est ça, c'est que, tu sais, je fais un parallèle. Moi, je suis désolée, les noms, que ce soit les noms de réalisateurs, noms de films, les noms de personnes. Ça fait 4 fois qu'on me rappelle le nom de quelqu'un avec qui je travaille continuellement, mais j'oublie son nom, là, tu sais. Mais c'est ton employé. C'est Dawn of the Dead ou Day of the Dead? Dawn. Dawn of the Dead. La télé reste un service essentiel. Jusqu'à la fin, il y a de la télé. Et jusqu'à la fin, on se questionne sur ce qui arrive. Au lieu de le vivre, on réfléchit sur ce qui arrive. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut que tu prennes le temps d'absorber. Et pour en revenir à ce que Jeff dit, il y a des films qu'il faut prendre le temps d'absorber, puis qu'on se dit, ah, oh, ça me tente peut-être pas, mais que Christy, tu peux avoir une claque d'en face. Ah oui. En disant, crime, j'étais pas sûre, mais j'ai pris le temps d'absorber ce que ce film-là voulait me transmettre. C'est pas tout le temps ça, là. Mais j'ai une amie aujourd'hui, c'est vraiment drôle, j'ai une amie aujourd'hui qui m'a dit, hey Vicky, mon père cherche le film Pi de Darren Aronofsky. Mm-hmm. Et j'ai fait, ah ouais, il y a un père qui peut chercher le film Pi. Moi, j'ai pas aimé ce film-là, mais il y a un père. Il y a quelqu'un qui a été happé par ce film-là. Fait que souvent, ça, c'est le temps de s'asseoir devant un film. Puis il n'y a pas de cinématographie universelle. Ça se peut que t'aies pas un... Tu sais, on dit que Marc-Antoine, il a pas aimé Martin, puis ici, on n'a pas trippé sur ce film-là. Fait que ça se peut. Mais de prendre le temps de le voir au moins, le film. Tu sais, de prendre le temps de voir qu'est-ce qu'il y en est. Et je pense que Dawn of the Living Dead, c'est ça. Of the Dead. Of the Dead. Ah, je te... Non, mais c'est tu as des droits d'auteur. On est en train de te faire poursuivre. Je suis tellement désolée, là, mais moi, c'est épouvantable. Ça, là, c'est épouvantable. Mais ça, c'est un film comme ça. C'est un film qui... Peut-être que tu l'apprécieras pas, mais tu dois y trouver des bons points parce que, universellement, ce film-là a quelque chose. J'aime ça comment est-ce que l'équipe dans le film... T'sais, ils vont reproduire la société, mais à petite échelle, ils vont s'acheter, pas s'acheter, mais ils vont aller chercher des grosses fourrures, elle va se maquiller, puis tout, ils vont prendre l'argent à la banque, ils vont installer leur petit local, au fur et à mesure du film, tu regardes le local, il change tout le temps, puis il est tout le temps plus meublé, luxueux, tout ça, ils reproduisent la société, c'est comme, ils refont les mêmes maudites affaires que... Puis c'est le capitalisme tout le temps, c'est l'idée de la société de consommation, c'est ce que c'est ce que Georges critique dans ce film-là, tu sais. C'est carrément quasiment eux autres qui sont comme, vivent dans le luxe, puis les zombies c'est quasiment à côté d'eux autres, c'est la plèbe. Ça les fait chier, comme ça te fait chier quand les moteurs arrivent, c'est comme, oui, mais c'est la fin du monde, là. C'est pas le temps de vivre dans le luxe, là. Vivre dans le luxe, c'est ça, tu sais. Non, tu sais, puis ils cherchent pas à aller aider quoi que ce soit. Non, on est bien nous autres, on va rester ici. Quelque chose qui est un petit peu poussé, une petite affaire plus loin dans le remake, et je reviens à mon point que Romero avait beaucoup de difficultés à pousser ses idées, une petite affaire de plus. Dans le remake, là, il quitte pas le centre commercial parce qu'il était trashé. Hein. Il quitte le centre commercial parce qu'il s'emmerde. Il quitte le centre commercial parce que il faut qu'il aille voir dehors. Je pense, ils se disent qu'ils vont aller. Il y en a un qui dit qu'il y a un bateau, puis il dit qu'il y a une île. Ouais, mais ils ont rien qui le prouve. Et vraiment, il y a un vote qui se passe parce qu'ils s'emmerdent. Je me souviens plus si c'était parce qu'ils s'emmerdent, mais ouais, ça se peut. Ouais. Ils sont pas en danger. Non, aucunement. C'est pas l'idée de. Il faut qu'on sacre notre calme. Rien. Ouais. Il faut qu'il voit ce qui s'est passé. Il quitte parce qu'il pense qu'il y aurait peut-être mieux ailleurs. Oui! Mais je pense que Zack Snyder, dans son remake, puis je suis content que tu amènes l'idée du remake parce que je vais encore faire un autre statement. Je préfère le remake de Zack Snyder. moi, c'est deux films différents pour moi. C'est deux films totalement différents. Sont vraiment différents. C'est sûr, certain. Là, on parle quasiment plus de remake. Là, on parle de réadaptation, de réimagination. Là, tu sais, là. Ouais. L'idée de base est là, mais après ça, on s'en va ailleurs. Moi, je parle quasiment de respect. J'ai l'impression qu'il a dit, regarde, c'est ton idée. Je vais respecter le fait que je te vole ton idée, mais permets-moi de la meilleure. Fait que c'est un respect qui fait. Moi, personnellement, je trouve que c'est le meilleur film de Zack Snyder. Moi, j'aime pas vraiment les autres. Là. Je trouve que Dawn of the Dead, c'est son meilleur. J'ai beaucoup aimé toutes les idées qu'il apporte. T'sais, puis j'ai comme l'impression que lui, il va pas dans sa critique plus qu'il faut du mercantilisme. Ça, je pense qu'il mentionne une fois, puis après ça, il va pas la plus loin avec cette idée-là. La seule fois que Zack Snyder le mentionne, c'est quand il y a full de zombies, puis là, ils sont sur le toit du centre commercial, puis il y en a gros qui font comme, pourquoi il y a full de zombies ici, puis il y a quelqu'un qui dit, c'est parce que c'est dans leurs habitudes. C'est ça. Les zombies exactement. Ont comme habitude de venir ici, puis c'est à peu près la seule critique qu'il y a sur. Dans le fond, c'est un peu la même phrase que dans l'original. Je me rappelle pas de la phrase du remake, là, mais ouais, c'est un peu la même chose qui se dit dans l'original. Ouais, il y a pas de. Il y a pas mal moins. Il pousse pas mal moins sa critique là-dessus, tu sais. Tu sais, puis il y a toute son idée du bébé zombie qui est freak. Le gars qui est sur le toit. Les deux, ils jouent aux échecs. C'est super le fun, cette idée-là. Ça, c'est vraiment le fun, mais il faut pas écouter le bonus sur le DVD où tu as les vidéos du gars l'autre bord dans sa bâtisse. Ah, ouais. C'est vraiment mauvais, je trouve. C'est mal acté. Ah, ouais. Il fait des monologues à caméra. Non, c'est bon c'est bon de pas connaître ce gars-là et de le connaître juste à distance avec eux autres. Quand tu le connais, ça brise toute la magie. Quand tu le connais dans. Ah non. Il y a un genre de bonus sur le DVD. Quand il a écrit sur sa pancarte, j'ai faim. My God. Je casse. Je casse. Tout le temps. Je broille. Je casse à ce moment-là. Ouais, c'est ça, je pense qu'il crie genre j'ai été mordu, c'est pas si mal que ça. Puis quand il crie comme frénétique, puis là t'es comme ah oh, non, man. Puis que là, je sais pas trop qui c'est qui s'en vient, mais plus tu le vois, il fait loin. Puis... Ah non, c'était. C'est juste trop cool d'avoir c'est... Sarah Pauley comme actrice principale dans un film d'horreur. Ouais. C'est comme c'est tellement pas son genre de film d'habitude. Là. Non, c'était vraiment. C'est vraiment trippant. Puis quand j'écoute, je l'ai réécouté. C'est Comic Relief de Modern Family qui joue un des trous de cul Cruiser. Oui, il joue un riche de marde, là. Ouais, c'est ça, il joue un riche de marde. T'es comme, voyons donc, c'est le gars le plus drôle que je connaisse là-dedans, je l'haïs. Ouais. Mais non, en tout cas, c'est ça, je voulais juste quand même mentionner le remake parce que je pense que pour plusieurs, c'est peut-être ce film-là qui les a amenés non seulement au film de Romero, mais aux zombies qui courent. Ah, moi aussi, ouais, je pense ça a comme divisé les fans ouais, en deux factions. Ouais, ça a comme divisé les fans. Puis, on s'entend-tu que ça fait juste deux sortes de zombies, puis c'est pas pire ben, que ça? Il y a trois sortes de zombies, puis il y a la sorte des infectés. Mais, tu sais, là, on peut-tu arrêter le débat, puis arrêter d'être puriste? On s'en calisse qu'ils soient zombies ou infectés. On s'en calisse l'effet elle-même. Mais je sais pas si vous êtes pas d'accord ou je vous le permets. Ben, mais moi, je suis comme, arrêtez votre puritanisme, on s'en calisse, l'effet est le même. Non, je suis d'accord avec toi, mais 28 jours plus tard, ça rentre dans un film de zombies pareil. Mais ben oui, on va pas virer fou. Merci, ben oui. Jeff. Mais à l'époque, on avait dit qu'il fallait pas le dire. Mais non. Fallait pas le dire. Puis j'ai l'impression qu'il y a du monde qui pensait à cette époque-là qu'on reverrait plus de zombies qui marchent lentement. J'ai l'impression qu'il y avait du monde qui s'était dit, ah, mais là, les zombies qui marchent pas vite sont où? Je verrai plus jamais. On a eu les deux. Puis Zack Snyder, il en fait amène... pas trop non plus. Mais tu vois, dans Day of the Dead ou Day of the Dead 2, qui ont été faites genre en 2005-2006, t'en as qui montent au plafond. Là, tu fais, OK, c'est un petit peu exagéré. Là, ça... ouais. C'est un petit peu n'importe quoi. En World War Z, ouais. Quand ils font une tour, puis ça, c'est génial. Genre de pyramide. Okay. Pour monter par-dessus le mur, ouais. Ouais, mais tu sais, c'est ça, c'est un peu de CGI, là, JF, de moi, là. T'avais pas un choix. Mais pour vrai, c'est ça. C'est que moi, pour moi, infecté ou zombie, hey, sérieux, l'effet est le même, là. Ah ouais, c'est un humain que tu peux converser. Ça reste que, ben écoute, les zombies qui courent, parce que je me trompe peut-être dans la temporalité, mais ça est arrivé après 28 jours. Oui, c'est arrivé après. Mais ça, c'était comme la première fois qu'on mentionnait zombie. Tu sais, toujours. Il arrêtait pas de dire Danny Boyle. Non, pas les zombies, c'est pas les zombies. Puis, tu sais, dans Dawn of the Dead, le remake, ils ont comme fait non, c'est des zombies, puis ils courent. Tu sais. Puis, ben écoute, les zombies qui courent, on va commencer avec un film remake de Romero. Fait qu'on pourra lui donner un petit peu de crédit sur ça. Zack Snyder le donne, le crédit. Ah, il donne la fin. Oh oui. Tu veux continuer, JF, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire quand même là, sur Dawn. Ah, ben j'ai pas mal fait. Je veux dire, je veux pas passer une demi-heure là-dessus non plus. Je veux dire, oui, il y a beaucoup de choses à dire, mais on fait une rétrospective un peu de qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on aime, de ces films. Mais je veux dire, je veux pas passer une demi-heure sur chaque film non plus. Puis, c'est parce que c'est comme je dis, c'est très subjectif. Je l'aime d'amour, ce film-là, mais pour plein d'affaires, j'aime l'ambiance, j'aime l'action, j'aime tout. Tout ce qui se passe, je l'ai réécouté encore cette semaine, j'étais comme, je me suis pas emmerdé, pas en tout, il dure 2 heures, je me suis jamais emmerdé dans le film, puis c'est ça, je comprends toutes les critiques que les gens ont contre le film, mais j'aime ça, j'aime vraiment ça, puis je peux pas vraiment expliquer pourquoi, c'est dur à expliquer, c'est un cas de nostalgie, là. Je pense que ça, c'est vraiment d'attachement... Pas irrationnel, le mot est trop fort. Oui, c'est pas la nostalgie. Il y a des différents types de nostalgie. C'est pas une nostalgie parce que j'étais là à l'époque, j'étais pas là. J'avais un an quand le film est sorti. Mais oui, nostalgie parce que je le connais depuis que j'ai 20 ans, peut-être, puis j'ai trippé là-dessus depuis les 20 dernières années. Mais je sais pas. C'est... Comme je dis, il y a plein d'autres films qui sont meilleurs, je suis capable qui sont plus beaux, puis tout. Je veux dire, j'adore The Babadook, puis techniquement, c'est plus beau, puis c'est peut-être mieux acté encore. Mais j'aime. Je sais pas. Un jour, je vais peut-être le déclasser dans une première position, mais je sais pas. J'ai pas eu vraiment envie de le faire. Là. Dans ma tête, c'est numéro un. Pis... Ce jour-là, tu nous le diras, là, parce qu'il va vraiment falloir faire une cérémonie. Oui. On va avertir les médias, on va retirer le chandail de Dawn of the Dead. On va le lever au plafond. Puis... C'est quand même important. Ouais. Mais non, ben je pense aussi on a quand même fait le tour de Down. Puis j'aimerais ça qu'on prenne une mini-pause avant qu'on continue. Mini-pause musicale pour vous. Parce que Jeff nous a quand même pas concocté, mais tu nous as trouvé quelque chose. Ah. Tu me prends par surprise. Génial. Je trouve le... En plus, tu m'as écrit un petit message. Je te l'ai écrit, il y a 10 minutes. Prépare le nom de ta toune. J'ai pas vu. Mais pendant que tu préparais, moi, j'avais pas tout à fait fini. Ah, ben, excuse-moi, Vicky, parce que pour moi, c'est vraiment important de dire qu'avec ce film-là, on jette les bases de tout Romero. C'est pas avec Night. Avec Night, on jette l'idée du zombie, mais avec Dawn, on jette toute l'idée de. Il est vraiment la société de consommation, le capitalisme, cette société narcissique. Il rit des rednecks, il rit des intellectuels. Cet homme-là s'est placé pas au-dessus d'une façon narcissique et snob, mais vraiment à l'écart de la société, puis il l'a observé, puis il a fait « Man, s'il y a une crise, là, la télé va continuer à runner parce que les gens vont avoir encore besoin de s'entendre parler. » Parce que la télé n'informe plus. La télé, c'est deux personnes qui s'écoutent parler. Ce qu'on fait ce soir, c'est très ironique, mais en tout cas, que lui, Romero, il a dit le problème de la société, c'est pas l'apocalypse qui va le régler, parce que peu importe l'apocalypse qu'il y aura, on va continuer dans nos patterns de consommation, dans nos patterns de positionnement social. Tu sais, encore une fois, la femme, Chris, on est quatre survivants, on devrait être au même state, on devrait être au même état, et c'est la femme qui dit non, non, guys, je suis au même positionnement que vous. T'sais, au lieu de se voir comme des survivants, ça a été comme placé, comme instinctivement qu'elle, on va la protéger, on va la mettre en arrière, puis elle fait comme, ben pourquoi je peux être un soldat? Puis j'adore la discussion que les gars ont sur la possibilité d'un avortement, parce qu'elle annonce à un moment donné Steven, son chum, annonce qu'elle est enceinte, puis les gars sont comme, ben tu veux-tu le garder? Parce que c'est possible de le faire encore, puis je sais comment faire, tu sais. Puis elle est dans la chambre à côté, puis elle entend tout ça, mais elle n'a pas sa voix, tu sais, elle n'a pas son mot à dire dans la discussion, tu sais. Comment? Puis tu sais, c'est même souvent, puis tu sais, on rit, il y a les gars en moto, il y a les rednecks, il y a plein de choses dans ce film-là qui jettent les bases de tout le concept de Romero, mais à mon avis, ça a jeté les bases, puis c'est pour ça que je voulais quand même qu'on en parle, parce que c'est avec les autres films qui ne sont pas des films de zombies qui, je trouve, répondent à ce qu'il essaie de mettre en place. Là, il met en place des critiques de la société, puis vraiment virulents sur l'espèce de inutilité de vivre en société. Là, c'est quasiment que t'es mieux de vivre tout seul dans ton chalet dans le bois, puis tu vas te sentir mieux. Et avec ces autres films, on dirait qu'il répond à ces critiques-là. Il répond au questionnement social qui impose dans ce film-là. Fait que pour moi, ce film-là, pour comprendre Romero, il faut partir avec ce film-là. Je tenais quand même à ce qu'on dit. Je sais pas à quel point qu'il répond, mais je sais qu'il pose souvent les mêmes questions. Ouais. Il critique sur le capitalisme et tout ça. Puis il fait beaucoup dans le film suivant, dont on va parler tantôt, que j'ai vu pour la première fois cette semaine. Oui, j'ai hâte que tu m'en parles. Night Riders. Oh, après la musique. Oh, God, il est volé de punch. Oh, mais la musique. Oui. C'est un groupe que je connais pas du tout qui s'appelle Sprite. C'est leur chanson qui s'appelle George Romero. J'ai trouvé ça sur YouTube, puis je trouvais que ça fitait. Puis les paroles parlent vraiment de Dawn of the Dead et tout ça. Là. Fait que... Pendant la pause, il va falloir que tu m'expliques le lien, s'il te plaît. Hey, on part avec ça, puis on se retrouve dans 3 minutes. Shopping mall, I wouldn't care about the isolation. everything from George Romero, Dario Argento, maybe Tom Savini, Stuart Gordon, and Sam Raimi. Did they plant the idea, or was it always in me? Do you find me creepy? Post-apocalyptic zombie survival fantasy. I've been thinking, maybe we got a good thing going in. Maybe we shouldn't be in such a hurry to leave. Hey, à la fin des épisodes, on dit tout le temps « garder ça horreur ». Comment est-ce qu'on fait pour garder ça horreur? Pour garder ça horreur, JF, il y a plusieurs moyens. Premièrement, sur iTunes, on peut donner 5 étoiles au podcast, en plus d'écrire un commentaire, comme ça, ça nous fait monter dans les recommandations. Ensuite, à la fin des billets sur notre site, on peut trouver un lien Amazon qui nous amène sur le site Amazon. Dès qu'on fait un achat, Horror Gamer reçoit une ristourne. Puis en plus, hey, c'est simple, tu peux juste en parler à tes amis puis dire à quel point Horror Gamer, c'est un podcast tellement cool. C'est quoi l'adresse du site? www.horrorgamer.ca. Fait que tout le monde, gardez ça horreur. Alors, on continue notre rétrospective George Romero avec le film qui a suivi tout de suite Dawn of the Dead en 1981. Et je parle de Night Riders, que je n'avais jamais vu jusqu'à cette semaine. Ma petite critique sur l'application Letterboxd, ça a été: comment ça se fait que j'ai pas vu ce film-là avant? Après avoir vu le film, le générique n'était même pas encore fini. Je suis comme, ok, c'est mon film préféré de Romero après Dawn. C'est mon numéro 2. J'ai vraiment trippé. 2h25. Et le pire, c'est que j'ai commencé ce film-là, là, je m'endormais. J'étais comme, je t'offrais pas 5 minutes. 2h25, puis j'en voulais plus encore à la fin. J'étais comme, oh, j'aimais vraiment ça. Puis la prémisse de base, c'est comme, ça me parle pas vraiment. C'est une gang de personnes qui font des Renaissance Fair. Ils font des joutes médiévales, mais sur des motos. Puis ils se promènent des grandeurs nature. Oui, mais sur moto, puis c'est vraiment juste, surtout les joutes. Et ils vont vendre de la bouffe, tout ça, des sortes d'affaires, mais c'est surtout les joutes. Ça m'a fait penser un peu à... juste le côté joute, là, me faisait penser un peu au film avec... comment est-ce qu'il s'appelle? On en a parlé tantôt, celui qui est mort. Il faisait... Chevalier. Oui, c'est ça, Chevalier. Night's Tale. Il faisait des joutes, justement, puis un petit côté moderne, tu sais. Mais là, c'est vraiment sur des motos, ça se passe de nos jours, tout ça. T'as Ed Harris dans un de ses premiers rôles, tu sais, qui est l'acteur principal, qui lui est le chef de la gang, tout ça. T'as Tom Savini qui fait partie de la gang, mais t'es un petit peu rebelle, puis un petit peu dangereux, tu sais. Il est vraiment wild un peu. Puis t'as toutes sortes de monde, une grosse distribution, au moins 15-20 personnages principaux, je dirais. Puis, mais c'est surtout Ed Harris qu'on suit. Puis lui, il veut... Lui, tu comprends au fur et à mesure du film qu'il, lui, il croit vraiment en tout ça. Lui, il représente le roi de la gang, il a une couronne, puis tout. Puis il veut croire à la pureté de ce qu'ils font, tout ça. Puis à côté de ça, t'as Tom Savini qui, lui, est prêt à vendre le concept, à passer à la TV, tout ça, puis à essayer de faire de l'argent avec le concept. Puis il va éventuellement le faire, puis tu sais, la grosse piscine, le char, tout ça, il va faire de l'argent avec ça, puis il va avoir un gros conflit entre lui et Ed Harris, puis c'est vraiment intéressant à ce niveau-là. Puis t'as toutes sortes de personnages, comme je disais, une quinzaine ou une vingtaine de personnages, comme un qui est... Là, t'es pas trop sûr, t'sais, tu te doutes qu'il est gay, mais t'es pas trop sûr, puis t'as une femme, à un moment donné, une des personnages qui dit, puis sont dans l'autobus ou quelque chose du genre, puis elle dit, puis t'es-tu gay, toi? Mais c'est pas... J'ai pas besoin de te répondre à ta question. Puis arrête pas de l'écœurer, puis s'ils ont bu, puis tout, puis arrête pas de l'écœurer, puis... Puis le mané, il explose, c'est comme... Je le sais pas, c'est je suis gay, OK, c'est ça le problème, puis... Puis là, tu vois, c'est un gros moment dramatique, mais je trouvais ça super intéressant, puis très... quasiment avant-gardiste, en 81, de petit personnage qui est comme... Il a son conflit intérieur, il veut pas que ça soit exposé, mais il a pas le choix parce qu'elle arrête pas de le gosser là-dessus. Okay. Puis tu sais ça, tous les personnages ont différentes... Moi aussi, je l'ai écouté avant le podcast. Puis, avant de passer la parole à Vicky, je voulais juste dire, ce film-là, c'est vraiment intéressant de voir, comme moi j'ai vu 11 films dans la dernière semaine et demie, 11 films de George Romero, c'est vraiment intéressant de les voir comme ça d'affilée, parce que tu vois tous les acteurs qui se répètent d'un film à l'autre, puis tu vois que Romero, c'est un gars hyper fidèle avec ses acteurs, puis les gens qu'il aimait, ses amis, sa femme de l'époque qui était dans ses films aussi, Christine Forrest, dans The Knight Rider, puis c'est elle justement qui gosse le gay pour avoir une réponse. Ah, c'est pour ça qu'elle est là dans 4 de ses films. C'est l'infirmière dans Monkey Shines. Puis oui. Mm-hmm. Mais c'est l'infirmière dans l'autre aussi. Knight Riders me semblait comme étant le film pivot de sa carrière, dans le sens où t'as des gens de tous ses films, quasiment. T'as du monde de The Crazies, de Dawn of the Dead, de Creepshow, de Day of the Dead. T'as même l'actrice principale du remake de Knight, Patricia Tallman, qui fait la Barbara plus haute. Elle est là-dedans aussi. T'as plein de monde là-dedans. Mais... Non, c'est ça, vas-y Vicky, j'ai vraiment beaucoup aimé. Non, c'est correct. Je voulais juste signaler que je l'avais vu, là. Fait quand t'avais fini, tu peux me passer le relais, c'est tout. Moi, en fait, je l'ai pas vu au complet. J'ai vu 1 heure sur les deux heures. On a commencé le podcast, je l'ai pas terminé. Reste que c'est un film qui est pas d'horreur du tout. Non. Fait que les fans de Romero, attention, ce film-là n'a pas d'horreur. C'est vraiment sa critique sociale. Là, il s'est vraiment arqué sur ça. Chose que je tiens à mentionner, outre que ce n'est pas un film d'horreur, des cascades c'est la longueur. Dans le sens où le film est décrit comme une gang de hippies, là, si je prends un mot en gros, mais c'est pas vraiment des hippies, mais des gens qui veulent être en marge de la société. On boit un peu, là, ça se promène. C'est extravagant. Oui, c'est ça. Fait que des bohémiens extravagants, bref. C'est la phrase, là. La phrase qui résume le film, c'est ça. C'est des bohémiens rencontrent un promoteur de spectacle qui leur promet de faire leur show de bohémiens plus hot puis faire de l'argent. J'ai fait 1 heure sur les 2h24 et ils viennent d'arriver. Ben oui, c'est ça s'étire. Donc, mais moi, j'ai aimé tout ce qu'il y a entre tout ça, toutes les petites histoires des différents personnages. Tout à fait. Mais ce film-là, n'y va pas pour les pivots. N'y va pas pour les moments qui font avancer l'histoire. Non. Ça prend son temps. Oui. Puis il y avait de l'argent. Ce que j'ai entendu dire, c'est qu'il y a eu un deal après Dawn of the Dead, un deal de 3 films, puis il y a eu de l'argent. Puis il a décidé... Puis c'est dans le documentaire sur Day of the Dead, sur mon Blu-ray, qui dit ça. Ils disent, il y a eu un deal, puis le deal disait, tu peux faire les 2 films que tu veux, mais le 3e, peu importe dans quel ordre t'es fait, faut qu'il y en ait un qui soit un film de zombies. Puis il a décidé que son film de zombie, ça serait le 3e qu'il ferait. Ça serait, il allait faire Knight Riders, Creepshow, puis après ça, Day of the Dead. Mais il y avait moins d'argent à chaque film, je pense. Il y avait plus d'argent pour Knight Riders parce qu'il voulait faire cette affaire-là. Et après ça, il a fait Creepshow, puis après ça, avec le moins d'argent, il a fait Day of the Dead. Mais tu vois un peu le budget dans Knight Riders. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde dans le film. Puis des grosses cascades en moto, tout ça. Puis en tout cas, c'est ambitieux, là. Oui, tout à fait. Puis il y a beaucoup de paysages, beaucoup d'endroits, beaucoup de lieux. Fait qu'on a promené beaucoup et très souvent l'équipe technique. Ça, tout à fait. Et j'ai perdu mon dé. Je suis désolé. J'ai perdu, j'arrive pas à le retrouver. On va prendre une gorgée de vin là-dessus. Check bien l'effet du vin. Ouais. Puis j'ai aimé au début, t'as un personnage joué par Stephen King dans une petite apparition qui est avec sa vraie femme dans la vraie vie. Il est en train de manger des hot dogs, la gueule pleine, puis il dit c'est tout du fake ce gars-là. C'est toute une gang de pas rapport. C'est justement ça, c'est à propos entre autres de Stephen King et de tous les gens autour. Dans ce film-là ne s'adresse pas aux fans de Romero. Pour les zombies, mais il faut s'adresser aux fans de Romero quand lui se met à poser des questions. Quand Romero se met à planter ses pions dans tous ses films, que ce soit zombies ou pas, sur les fondements d'une société et sur ta vivacité à croire en quelque chose. Tu sais, je veux dire, peu importe le film, il y a souvent des gens qui croient en une chose, qui vont survivre ou que leur femme va survivre ou que leur idée est mieux ou que... Peu importe le film, OK? Pendant Night of the Living Dead, c'est le héros. Dawn of the Dead, excusez-moi. Dawn of the Dead, c'est encore une fois le personnage noir qui sait, il sait. Peu importe, il sait ce qui s'en va, il sait où ce qui va. Dans ce film-là aussi, c'est le personnage du roi, joué par Ed Harris, et le personnage de Tom Savini. Et c'est pour ça qu'il y a un clash. C'est que les gars savent ce que leur communauté devrait être. Oui. Mais c'est pas la même chose. Et c'est là le combat de tout le film. Ce combat-là est teinté parce que ces deux personnages forts, deux têtes fortes, savent ce qui est le mieux pour la communauté. Et malheureusement, ils ne sont pas d'accord sur ce qui est le mieux. Fait que c'est super intéressant. Mais il faut voir ce film-là un peu comme un film choral. Oui. T'sais? C'est un peu comme un film choral où on suit des personnages... C'est du Robert Altman. Des chassés croisés un peu, des trucs comme ça, mais c'est plus ou moins... Oui, c'est un peu ça, oui. Un peu, à petite échelle, parce que Robert Altman, on est vraiment dans un film choral où on suit des tableaux qui finissent par se regrouper. Ouais. Là, on est vraiment dans un film où un seul tableau, une seule gang, c'est ça. C'est plus continu, c'est une seule gang. Reste que les personnages entrent et sortent. Et t'acceptes ou pas la prémisse, t'acceptes ou pas la proposition, puis t'aimes ou pas, mais moi, j'ai vraiment adoré, puis je pensais pas aimer ça. Du coup, j'étais comme, je sais pas en tout. Des chevaliers en moto, je sais pas en tout dans quoi je m'embarque. Ça avait l'air hyper fucké. Ouais. C'est comme. Mais j'aimais ça, c'est comme on dit, des petites scènes comme Ed Harris qui refuse de signer un autographe dans une revue parce qu'il est comme, non, moi je signe pas d'autographe, je suis pas Evel Knievel, je fais pas des cascades. Evel Knievel, c'était un gros cascadeur en moto à l'époque. Puis je suis pas ça, moi. Moi je suis un vrai chevalier, c'est comme, c'est pur ce que je fais. Puis Tom Savini, gars, je vais signer ta photo, moi. Il dit au petit garçon. Il dit en signant la photo, je vais signer ta photo, tu vas avoir la première photo du prochain roi. Mm-hmm. La première autographe du prochain roi. Fait qu'il donne aux spectateurs comme je suis en train de détrôner le roi, tu sais. Ben oui. Fait qu'il y a vraiment des jeux de pouvoir, des jeux de placer ses pions dans ce film-là. C'est ça qui est incroyable, tu sais. Puis comme je dis, j'en ai juste écouté la moitié parce que Romero prend le temps avec ses films. Mais c'est ça, c'est. Ce film-là rentre dans une culture incroyable. Comme dans beaucoup de ses films, c'est l'appât du gain qui risque de faire tomber la personne, les héros, tout ça. Puis une dernière chose que je voulais rajouter, il y a une critique que j'avais lue dans les années 90, ça fait longtemps de ça, des films de Terry Gilliam. Là, je vais dans un autre réalisateur, mais les films de Terry Gilliam, le critique disait Terry Gilliam remplit son cadre dans quasiment tous ses plans, son cadre est plein de trucs, l'image est pleine. Puis Romero, en tout cas dans ses films des 70 et 80, j'ai remarqué en les revoyant, c'est vraiment ça. Si le montage est super frénétique d'un, mais ses plans sont tout le temps. Il fait pas beaucoup de gros establishing shots, tu sais, avec juste. Non, ouais. C'est frénétique, puis c'est plein tout le temps. Puis Knight Riders, là, des gros plans de moto, puis de roues, puis de ci, puis de ça. J'étais comme. Mais j'aime ça, j'aime la dynamisme de tout ça. C'est juste que je fais juste souligner que ça me fait penser un peu à du vieux Terry Gilliam aussi, dans un certain sens. Là. C'est pas le même ton, là. Mais... Ouais, mais c'est vrai, c'est vrai. Puis même son côté cheap fait penser à ce que Terry faisait avec les Monty Python dans la série. Oui, puis tu sais, Time Bandits, Brazil et tout ça, tous ces films-là. C'est... Ouais. Est-ce qu'on passe à... Ouais, on peut passer à... C'est une suggestion. Pour les gens qui l'ont pas vu, c'est Il est sur shortfactorytv.com, il est gratis là-dessus, il n'y a pas beaucoup de pauses, allez l'écouter, puis la copie est super belle. T'as pas beaucoup de pauses, moi je l'ai pas eu pendant tout. J'ai écouté la première heure sans pause du tout sur Short Factory. J'en ai une couple, mais pas tant que ça. Une couple. OK. Puis, c'est ça. Mais attendez-vous pas à un film de zombies, là. Non, ailleurs. Ben, c'est ça, il n'y a pas juste fait des films de zombies, là. Le prochain? Oui. Dans le prochain, il y a des zombies. Je ne l'ai pas vu. Le prochain, il y a des choses. Il y a beaucoup de choses. Tu n'as pas vu Creepshow, Vicky? Non, je vous laisse y aller là-dessus. C'est à mettre sur ta shame list. Je viens de réaliser, c'est lui que j'ai vu en premier. C'est Creepshow, j'étais tout petit. Ah, c'est Creepshow que j'étais tout petit. Je l'ai justement dit à ma blonde, j'avais une peur bleue du premier segment, la fête des pères. Le gars qui revient, je veux mon gâteau en français, là, puis ça m'a pris après ça. Tu sais, je l'ai vu quand j'étais pas supposé le voir, un peu comme toi, puis Night, le remake de Night. Je l'ai vu quand un âge que j'étais pas supposé le voir, puis ça a pris des années avant que je le revoie, puis que je sache que c'est un film de Romero, puis écrit par Stephen King. J'étais comme, ok, waouh, c'était ça, mais. Ça m'avait traumatisé quand je t'ai dit cette passe-là. Ben, écoute, moi, je l'ai vu dans le tard parce que je me souviens que je connaissais, j'avais déjà lu avant l'histoire de Stephen King concernant de It Grows On You. Oui. Ça, ouais. Qui est un petit peu différente. Un peu. Je me mélange-tu? Mais non, dans, me semble, dans le roman de Stephen King, il prend une bière puis ça le transforme ou il y en a deux différents. Détails, ça fait trop longtemps que je l'ai lu. Non, je me mélange, il y en a deux de Stephen King qui ressemblent à ça. Mais oui, qui est une histoire tout à fait... Une chance qu'on a Stephen King qui n'est pas un grand acteur, qui n'a pas grand-chose à faire mais à part juste avoir du make-up. Mais pas un grand acteur, mais cette semaine, je la revoyais puis je me disais, mais il me le vend, son personnage, tout à fait. Ah, il est drôle. Tu sais, là, il joue hyper cartoon, là, comme c'est gros. Tu sais, on trouve que quand tu fais des apparitions dans ces films, il est gros comme personnage puis comme acteur, mais là, imagine, c'est un quoi, c'est un 10-15 minutes, rien qu'avec lui. Après, c'est fantastique. C'est juste lui tout seul. Il y a un autre personnage dans des flashs à un moment donné, là, mais... Ouais. Mais non, mais tu sais, il me le vend ça, à fond, puis Romero l'utilise bien, tu sais, son côté le côté cartoon de l'acteur et du personnage et tout ça, tu sais. Non, c'est vraiment trippant. Ben, je pense que de ce que j'ai vu beaucoup quand je vois du monde parler de Creepshow, c'est beaucoup le segment avec les croquerelles, les bobites et tout ça. Ah oui, tu penses que c'est ça qui marque le plus? Ah oui. Écoute, j'ai eu déjà, quand j'écoutais sur, je pense que je l'avais déjà partagé sur ABC, 100 Scariest Movie Moments, ou je sais pas trop quoi, les 100 moments de l'horreur, les plus effrayants du cinéma d'horreur, et il y avait ce segment-là de Creepshow, pour tous ceux qui ont peur des bubites, comme moi, je vais faire mon coming out, tout ce qui est des bubites qui font crunch crunch. Ah, ok. Mets-moi une araignée dans les mains, je m'en fous, une grosse fourmi, je m'en fous. Mets-moi à 8 pieds de moi sur un mur blanc, une bébite qui fait crunch crunch, là, et j'ai la chair de poule qui me pogne, je suis pas capable. Ce qu'on appelle au Saguenay un gros barbeau, là, à l'antenne. Un là. Gros barbeau à l'antenne, en tout cas. Antenne, ou écoute, on le prononce tellement tout croche. Oh, je pense qu'il y en a qui disent un barbeau à lanterne. Mais tu sais, ouais. Mais, écoute, moi, croquerelle, ma barbeau. Ma blonde, elle m'a déjà vu partir à courir en criant comme une fille avec j'avais un barbeau, ça. Ah, man, regarde. Quand c'est le bout des barbeaux dans l'été, là, je sais que je trippe pas. Fait que ce segment-là me je me sens pas bien. Je me sens pas bien pendant ce segment-là. Je l'ai pas réécouté pour le podcast. Ça fait une couple d'années que je l'avais pas vu. Il y a ce segment-là. Il y a le segment du singe. Bon, au début, tu as le segment de la fête des pères. Ouais. Le singe. Ben, c'est pas un singe. Ben oui, ben, c'est une créature. La truc de la boîte, là, ouais. Ouais, en tout cas. T'as le fait des pères, t'as Stephen King, t'as les zombies, t'as le segment de Leslie Nielsen pis t'as Danson, je viens de vendre le punch. Là, oui. Pis t'as ça, t'as le crate, la boîte avec la créature, pis t'as les coquerelles. T'as cinq segments. Ouais. Pis le wrap-around, l'histoire autour avec Tom Atkins en père, un esti de père moron, là. Qui empêche son fils de lire son comic de Creepshow, puis son fils décide de se venger. Oui, oui, oui, ok, c'est bon. En faisant bon. Appel à une sorcière. J'avais complètement oublié ce wraparound segment. Ah, c'est bon. Leslie Nielsen, c'est quand même spécial de le voir dans. Oui, spécial et non, là, parce que quand tu prends, mettons, l'aventure du Poséidon en 72, c'est lui le capitaine du bateau, c'est un film catastrophe, puis ça n'a rien de comique. Mais c'est vrai qu'à quelques années de L'Agent fait la farce, c'était quand même. Tu te dis, OK, c'est pas Frank Drebin que je regarde, là. Non, non, non. Puis tu sais, avec le recul, tu te dis, bon, je l'aurais vu dans le segment de Stephen King. Tu sais, la limite, là, mais non, après, quand même. C'est très cartoon, Creepshow, puis il faut pas. C'est ça. Ouais. Pas nécessairement à penser qu'on va avoir tant de frissons que ça. Oui, dépendamment de nos peurs et tout ça. Mais moi, j'ai changé au fil des ans. J'ai vu toute ma vie ce film-là, puis j'ai changé à chaque fois de segment préféré. T'sais. Je sais jamais quel segment je préfère. Là, je pense que je préfère celui de Stephen King. C'est con parce que j'aime son acting. J'aime la simplicité du segment. C'est pas compliqué. Le Creepshow voulait vraiment être un Tales from the Crypt. Oui. En tout cas, ouais. Mais le segment de Leslie Nielsen, je l'adore aussi. J'adore la cruauté de ce segment-là. Leslie Nielsen veut se venger du gars qui couche. Ben, il veut se venger, en fait. Il découvre que sa femme couche avec un autre homme, puis il décide de se venger. Mm. Puis sa vengeance est assez. C'est assez terrible. C'est sadique. C'est très sadique. C'est vraiment sadique. Il nous le vend en esti aussi, son personnage. Il est vraiment imbu de lui-même, suffisant, puis haïssable, tu sais. Oui, oui, c'est vraiment. C'est loin de ce qu'on. Tout bon, parce que l'acteur Al Holbrook, qui fait dans le segment de la grosse caisse en bois, c'est une grosse lavette devant sa femme, là, qui est jouée par Adrienne Barbeau, puis il décide de se venger lui aussi, puis sa vengeance, elle est fun. T'sais, tu prends pour lui, parce que c'est un gars qui se fait manger à l'aine sur le dos tout le long, puis tu te dis, écoute, il va-tu se relever les manches à un moment donné, puis tout, puis quand il décide de se venger, elle est tellement haïssable, elle, que t'as juste pas le choix de cheery pour lui, là, tu sais. Oh, oui. Non, c'est... Ça, c'est du gros bonbon. Ça n'a rien à voir avec sa filmographie habituelle. Non. C'est pour ça que quand t'écoutes Creepshow, tu fais comme, c'était Romero, ça. Tu sais, c'est ça, là, parce que tu sens beaucoup le côté... Tales from the Crypt et tout ça, le côté petit humour noir, ça dénonce rien. c'est bien fait. Tu sais, visuellement, côté effets spéciaux, tu sais, c'est Tom Savini encore. C'est vraiment le meilleur. Ouais. C'est Tom Savini qui a fait des effets spéciaux. Il joue un éboueur aussi dans le Wraparound Story. Là. Il joue. Mais il n'y a pas de dénonciation parce que c'est pas Romero qui a écrit le scénario, c'est non. Stephen King qui a écrit les histoires. Stephen King, c'est pas son genre. Non. Mais tu sais, je serais curieux de comprendre un peu la genèse de tout ce projet-là. Est-ce que c'est King? Est-ce que c'est Romero? Qui a approché qui? C'est clairement, bon, ben, tu disais que dans Knight Rider, King a joué dedans un petit bout, fait que j'imagine qu'il se connaissait peut-être un peu avant. Ou déjà là, il était déjà en train d'en parler, j'imagine. Probablement. Puis c'est des fans, justement, de ce genre de comic-là, de Tales from the Crypt, puis tout ça, les bandes dessinées qu'il y avait à l'époque, là, t'sais, les années 50, 60, puis c'était ça qu'ils voulaient rendre hommage. Puis on s'entend que King devait sûrement être fan de Knight. Là. Ah, c'est sûr, Knight of c'est sûr. Ouais, fait que tu sais, ça devait être quand même de deux gars qui devaient travailler avec quelqu'un qui adore. Là, ouais. Tu me fais penser, anecdote, Christine Forrest, la femme à Romero, on en parlait tantôt, elle a eu des rôles dans ses films. Stephen King lui a rendu hommage parce que c'est à cause d'elle qu'il a nommé sa voiture Christine. Ah, OK. Dans son roman de 82-83, je pense. Oui. Mm-hmm. Fun fact vraiment intéressant. Non, Creepshow, je le trouve moins efficace en termes de frayeur, en termes de peur que quand j'étais jeune. Parce que c'est un gros comic book en film. Là, c'est un gros... c'est ça. Mais je le trouve le fun. J'ai tout un temps de le regarder. Ouais. Ouais. C'est du bonbon, c'est léger. Tu t'écoutes ça, tu te casses pas la tête... Ouais. C'est ça, anthologie. C'est dans les. Quand tu vois le monde parler de. C'est quoi vos meilleures anthologies? Creepshow ressort souvent. Oui. On passe tout de suite à Creepshow 2 rapidement. Il est juste auteur, là. Il n'est pas réalisateur. Mais... Ouais. Écoute, je me souviens pas de tout de Creepshow 2. Il y avait 3 ou 4 segments. Je me rappelle de l'Indien, là, de la statue d'Indien. Il y avait le radeau avec la le radeau, le truc qui est basé sur une nouvelle de Stephen King. Puis le l'autostoppeur. OK. Tu te rappelles-tu l'autostoppeur qui revenait tout le temps? Là, elle frappait puis tout, puis il mourait, mais il revenait tout le temps. Là, ça, je me rappelle, j'avais adoré ça, ce segment-là. Non, je pense que je l'ai vu une fois et non. Okay. Mais de toute façon, il n'est pas réalisateur. Mais je trouve que c'est un bon double feature à regarder les deux, je pense. Je ne l'ai pas revu depuis des années, là, mais je pense que ça se tient encore Creepshow 2. Puis il y a un Creepshow 3, mais ça n'a rien à voir avec Romero. Donc, oui. C'est bien parce que c'est ça, c'est encore quand même eux autres qui étaient dans le 2, là, King. Romero, c'est marqué King comme auteur sur Wikipédia. Puis c'est tout. Ouais. OK. Je serais curieux parce que tu sais, je sais que le truc du radeau, c'est directement une nouvelle de Stephen King. Puis les deux autres, c'est peut-être Romero. Ouais, c'est ça. Je pense que Mick Garris a à voir quelque chose là-dedans aussi. Mick Garris est partout. Faut que je vérifie, là. Mais réalisé par Michael Gornick. Ah, Michael Gornick est comme. Il a travaillé sur les films de Romero comme producteur, je pense, ou quelque chose comme ça. OK. Mais on après ça, qu'est-ce qu'on a après Day of the Dead? Day. Qui est un autre segment solide de sa filmographie. De sa prom, en tout cas, à l'époque que c'était encore une trilogie. Ouais. Parce que c'est quelle année, Day? 85. 85. Ah oui, je l'ai écouté, celle-là, cette semaine, Day, oui. Est-ce que c'était ta première écoute? Non, ma deux, si c'est pas ma troisième, mais ma meilleure. Oui. Ah, OK. Ta meilleure parce que tu étais plus réceptive? Ma première écoute faisait partie en fait d'un douteux. Non pas qu'il a été présenté à une soirée douteux, mais il y a beaucoup d'extraits qui sont dans les douteux. Et on dirait que la première, c'est avec ce même ding-là que je le regardais. Genre, ça va être un douteux. Fait que j'étais comme... Ah ouais. Il me semble que c'est bon. Fait que je m'en allais pas là-dedans. Fait que j'étais comme confuse. Je me souviens d'avoir une deuxième écoute, mais avec des amis. Où ça jasait, puis on regardait les bons bouts. Puis là, j'ai vraiment eu une troisième écoute où j'étais devant ma télé. Ben en fait, moi-même, je l'ai écouté au bistrot, fait que j'étais devant un écran de 15 pieds. Et vraiment, là, des maquillages incroyables, des kills incroyables. On pousse la réflexion plus loin. Là, on se demande comment est-ce qu'on peut intégrer le zombie dans la société, et quel part a le zombie dans la société, et qu'est-ce qu'il se souvient, puis de quoi qu'il se souvient, jusqu'à quel niveau il y a des souvenirs, des sentiments, et tout, fait qu'on poussait la réflexion encore plus loin. Je m'en souvenais, mais je me souvenais pas de la réaction du zombie. Je me souvenais vraiment du médecin fou qui faisait des tests sur les zombies. Je me souvenais pas de l'impact. Parce que la vedette du film, c'est vraiment Bob, la vedette. C'est vraiment oui, Bob. Oui, tout à fait. Dont tout le monde se rappelle voulu. Tout le temps. Oui. Ah oui. C'est le héros du film, quasiment. Oui. Oui, tout à fait. Puis c'est lui qui amène le plus de questionnements dans le film. T'sais. Oui. Parce que dans ce film-là, non seulement, dans les autres, c'était un peu ça aussi, c'est pas juste les zombies qui sont les méchants, mais là-dedans, non seulement ils sont pas juste les méchants, mais tu prends pour eux un peu. Tu sais, c'est la première fois qu'il le fait. Je dis un peu, là, un peu, très peu. Un peu, dans le sens où, quand, mettons, ils sont dans la cave, puis là, ils essayent d'en attraper, là, t'es triste qu'ils en capturent, parce que ça a l'air de des animaux en capturés, ouais. C'est super triste. Mais, et Bob, justement, donc le zombie sur lequel on fait le plus de tests, c'est super triste, mais tu t'attaches quand même à certains personnages. Ah oui, non, je dis pas que... Et même le médecin, tu comprends où ce qui s'en va le médecin. Finalement, il n'est pas tout noir, le médecin. Il est vraiment dans la zone grise, ce médecin-là. Il fait des tests sur quelqu'un qui ne veut pas avoir de tests sur lui, mais ces tests-là vont le sauver. Donc, il y a plein de choses qui rendent... C'est des personnages très complexes. Pour un film de zombies d'horreur, c'est des personnages très complexes. Je sais pas où ce que je me situe par rapport au docteur, parce qu'il fait des tests sur à peu près n'importe qui. Là. N'importe qui sur qui va tomber, il va faire un test dessus. Puis il y a un enregistrement vers la fin du film qui nous explique que le gars, il a pas la tête toute là non plus. Là. Puis. Oui, mais il y a quand même une solution. Oui, il y a une solution. Si, attention spoilers, mais s'il avait survécu, il aurait pu amener les zombies plus loin. En tout cas, Bob. Mais je sais pas si les autres étaient prêts à ça. Bob, il a l'air prêt à ça, mais... Ouais, en tout cas. Mais c'est un filon que Romero a aimé explorer, parce qu'après ça, on revoit ça dans Land of the Dead. Puis Land, mettons. Peut-être un petit peu moins dans Diary, mais dans Survival aussi, il y a ça aussi. Est-ce qu'on peut quasiment apprivoiser les zombies, essayer de faire en sorte qu'ils nous tuent plus, déjà là, puis qu'ils mangent d'autres choses, ou en tout cas qu'ils... Qu'est-ce qu'ils peuvent apprendre? C'est le film qui a inspiré Fido, ça. Ben oui, Fido et Bob sont pareils. Là. Fido et Bob ont le même look. J'ai pensé au même film. Simon Pegg fait un petit caméo dans Land of the Dead en 2005, puis son maquillage ressemble à Bob. C'était voulu un peu aussi. Ah, écoute, ouais, ça, je me souviens qu'il était dans le... Puis j'ai jamais remarqué quel personnage. C'est lui et Edgar Wright sont enchaînés tous les deux, puis ils se font niaiser par du monde. Là, puis ça dure 5-6 secondes, là. OK. D, Jeff, toi, étant un fan de Dawn, bon, je sais que c'est pas D ton préféré. Non, mais je préfère les maquillages de D, c'est clair et certain. Je trouve vraiment plus beau. Mais, tu sais, c'est ça, les zombies sont moins identifiables. Il y en a quelques-uns, à part Bob. Bob est très identifiable. Puis, à un moment donné, t'as un clown, puis vers la fin, t'as une cote. C'est pas vraiment ça qui est important dans un film de zombies, on s'entend. Non. Mais j'aime que Romero, il a ça dans ses films, il y a des zombies identifiables, mais c'est lui qui en a le moins, je trouve, des zombies qui se démarquent, là, en tout cas. Puis les personnages, je les trouve intéressants, mais encore là, je m'attache moins à eux. C'est plus des personnages détestables, mais pas détestables au point où ça blesse le film nécessairement, mais ils sont juste pas attachants tant que ça. T'sais, contrairement, mettons, à Diary of the Dead, où les personnages sont vraiment détestables, et les acteurs sont mauvais, puis t'as vraiment haï le film à cause de ça, là. Day of the Dead, ça blesse pas le film, c'est juste que pour moi, je m'attache pas vraiment ni à l'actrice, ni au personnage principal. Je la trouve intéressante comme personnage, mais je m'attache plus ou moins à elle, t'sais, puis les gars de l'armée, je m'attache pas à eux. T'sais, Rhodes, c'est normal. Mais Rhodes, j'aime le détester, t'sais, juste, le colonel, j'aime le détester. Il est vraiment le fun, ce personnage-là. Pis... Il a fait un personnage, ouais, c'est ça, là, il tient le film un peu sur ses épaules, là, t'sais, si c'était pas de la haine qu'on a pour lui, le film serait pas ce qu'il est. Non, c'est ça, t'sais. Pis le docteur, comme je dis, je sais pas trop ce que je me situe avec lui, fait que je le trouve sympathique, en même temps, il est un petit peu fou, t'sais, ils ont tous un petit problème, t'sais, c'est... Comme mes deux soldats de Dawn, je pense que c'est Pete puis Roger, les prénoms, je les aime vraiment beaucoup, puis j'aime la camaraderie entre les deux, puis je sais que c'est des bons gars, tu sais, tandis que dans Day of the Dead, ils ont tous quasiment un agenda chacun, puis quelque chose, tu sais, puis... Mais c'est clairement, Day parle beaucoup du pouvoir, tu sais, sais, je veux dire, cette armée-là, est-ce qu'elle a encore une raison d'exister? Tu sais, est-ce que les grades ont encore une raison d'exister quand t'es rendu là, tu sais? Mais parce que c'est la société, puis parce qu'on a décidé ça, tu sais, sans se poser de questions, ils vont continuer à obéir à ces gens-là, même s'ils n'ont plus aucune crédibilité, tu sais. C'est ce que j'aime que Dave pose comme question, oui, tu sais. Oui. Jusqu'où est-ce qu'on va continuer à donner du pouvoir à des gens qui n'en méritent plus, quand on n'en a même plus de besoin de ce pouvoir-là, tu sais. Alors et qu'on pourrait zombies, juste être plus égal. Parlons des zombies. Ouais. Sont tous débiles, là. Sont vraiment hot, là. Sont vraiment tous bien faites, là. Ouais, ça va. Oh, bien. Oui. Sont toutes incroyables, là. Je veux dire, il n'y en a aucun qui se fait « Ah, lui, ils ont botché. » Non, toutes les scènes de zombies sont vraiment hot. Non. Aucun. On est une de mes scènes préférées dans n'importe quel film, dans tous les films de Romero, c'est la scène où que toutes les zombies descendent sur le lift, là, puis tu vois ça, là, la gang, là, genre 100 zombies, là, puis je suis comme « My God, que je panique là, tu sais. » Moi, c'est le premier qu'on voit avec la langue. Puis il se tourne, puis tu te rends compte qu'il a peut-être essayé de se suicider, puis ça n'a pas marché, fait qu'il y a juste la langue. Hein? Hey, il était cœur, hein, ça. Là. Il est tellement bien fait. Là. Ah oui, vraiment. Écoute, je vais faire un statement sur celui-là aussi. Non, c'est pas vrai. Je préfère pas le remake. Non. C'est un remake? Oui, il y a un remake. Ah, je savais pas. Écoute, fais juste chercher la pochette. Tu vois la pochette, tu vas faire « Je ne veux pas voir ce film. » 2008. Ah, ouais. La pochette, tu vois tout de suite, tu fais comme « Rien d'autre, c'est pas D, ça. Qu'est-ce que c'est ça? » C'est un homme qui vomit du verre, là. Steve Miner qui a fait Lac Placide et ouais, Halloween H20. Ok, écris mon détail. Ok. Ouais, c'est ça. Mais perso, Day, c'est mon préféré de la trilogie originale. Je pense que ça, Jeff, je t'en avais déjà parlé souvent. Je trouve que c'est lui qui est le mieux exécuté. Je trouve que Romero est à. Il fait plus vraiment d'erreurs. Ou, tu sais, là, il est plus précis dans ce qu'il fait. Ces personnages, oui, sont peut-être. Il y a peut-être quoi par rapport à Dawn. Peut-être. Il faudrait vraiment que je les réécoute toutes les deux. C'est le setting aussi que je trouve drabe un peu par rapport à Dawn. Oui, le setting est très, très. Ben, c'est le film le plus déprimant, je dirais, quand même, de la trilogie. C'est le plus dark, c'est le plus dur. Sais-tu pourquoi? Parce qu'on arrive après. On n'est pas dans la montée. Non. Et la première scène du film, on est avec la fille. Seul devant un calendrier sans chiffres. C'est juste écrit octobre avec plein de X. Ouais. Fait que tu rentres dans ce film-là avec aucun espoir. Tu ce film-là avec tout est perdu. Tout est fini, là. Le combat est fini, là. Comment tu veux être bien, là? Puis ça, tu te dis, OK, fait que là, c'est quoi, là? On va rester avec ces soldats-là, puis... Tu sais, là, il est rough ce film-là, mais j'aime beaucoup ce qu'il critique, j'aime beaucoup Bob, j'aime beaucoup... J'adore le docteur, Ce film-là, c'est vraiment... Tu sais, j'avais vu... Je sais pas si j'avais vu l'original de Night à l'époque. Je pense que je l'ai vu quand même très tard. J'avais vu Dawn, pas encore le remake. Puis après ça, j'ai vu Day. Puis quand j'ai vu D, j'ai fait comme, OK, là, je recommence. Là, j'écoute Night, puis là, je réécoute Dawn. Tu sais, là, D m'a comme fait dire, t'as peu, c'est solide. Ouais. C'est pas juste un film que j'ai vu, puis que, OK, c'est cool, je l'ai déjà vu, là. C'est lui qui m'a OK, comme faut. Tu dis que t'aimes le docteur, Vicky, ça me fait penser, dans The Crazies, en 73, l'acteur, il joue là-dedans, puis le personnage, il accompagne sa fille tout au long du film. Lui, il a genre 40 ans, puis sa fille a début vingtaine. Puis quand il vire fou à cause de l'arme biologique qui est dans les airs, il se passe de quoi de très malaisant avec sa fille. Fait que tu l'aimes pas mal moins, l'acteur, parce que c'est juste le personnage, mais tu fais « God, est-ce que c'est malaisant? » C'est comme si c'est vraiment dégueulasse. Là. Mais en tout cas, ah, ouais. Moi, je le reliais à Walking Dead avec la saison du General. Le général, il fait des tests et il engage un médecin pour faire des tests sur des morts. Ouais. Et c'est à lui que je le reliais. Puis dans Walking Dead, son médecin est plus posé, plus réfléchi. Il aime pas ça, les tests qu'il fait. Il sent que c'est utile. Fait qu'on dirait que j'y mettais la conscience de ce médecin-là dans celui-là de D. Comme s'il y avait une petite voix qui disait « c'est pas correct », mais même si tu jouis, parce que non, mais lui, il jouit en maudit, là, il trippe, il rit à faire ça, mais je me dis « c'est pas grave que tu trippes et que tu ris, il y a quelque chose serait moralement pas si acceptable que ça. Ouais, mais j'aime ça me poser la question durant le film dans Day of the Dead. Fait, jusqu'où justement ils vont pousser les expériences, tout ça avec les... Quand est-ce que t'arrêtes tout ça et tu fais ok, là, on devrait peut-être se sauver en hélicoptère, prendre l'hélicoptère pour s'en aller. T'as des deux gars, le noir puis le j'allais dire latino, mais pas vraiment latino. En tout cas, l'autre gars qui est avec, puis les autres, ils ont juste envie de partir. Tu sais, c'est comme. Ils sont plus en marge un peu des deux gangs, des scientifiques puis de l'armée. C'est comme, peux-tu partir là? C'est un piège. Ici, on va mourir. C'est un tombeau. Ils disent à un moment donné, c'est un tombeau ici. Là, on devrait peut-être s'en aller. Mm-hmm. Mais les scientifiques aussi... s'accrochent à faire des expériences. C'est comme, à un moment donné, c'est ça. Tu te demandes, c'est ce qui est le fun dans un film d'horreur, tu te demandes tout le temps qu'est-ce que moi je ferais à leur place, puis je pense que je m'en irais aussi à un moment donné. Là. Ah bon? Moi je ferais les expériences parce que c'est ta finalité à toi aussi. Là, toute ta vie durant, là, on t'a dit que t'avais le choix entre être dans un cercueil puis il se passe rien, ou arriver au paradis. C'est ça là, tes options quand tu vas mourir, JF, c'est ça là. C'est noir ou le paradis, là. Y a pas... Là, on est en train de dire que tu peux expérimenter pour savoir ce qui va arriver avec ton corps puis ton âme après ta mort. Fuck it que je suis dans le laboratoire avec des pinces puis des loupes, là. Ça me fait beaucoup penser au personnage très moderne comme film, là. J'ai écouté dernièrement The Girl with All the Gifts. Je l'ai pas disponible vu. Sur Netflix. Ouais. Vous écouterez ça. Très, très bon. C'est Glenn Close. Joue dans ce film-là. Glenn Close, un film d'horreur, déjà là, c'est dans un film de zombies. Et elle joue une scientifique qui fait des tests sur les zombies et qui, jusqu'à la fin, ne vivra que pour ses tests. Et que même jusqu'à la dernière seconde, aura son âme de scientifique qui va faire comme « Ah! Wow! » C'est vraiment c'est vraiment trippant. Oui. Mais là, ça se passe pas même dans le film de Romero. Non. On vient de tout réécrire. Ouais, mais on a quand même tout réécrit ce qui se passait après la mort. Et lui, il est en train de dire, on va tellement réécrire que moi, je vais découvrir ce qui se passe. Moi, je serai à côté de lui. Je suis désolée. C'est super intéressant, mais c'est parce que quand la mort te pogne, il m'a dit, tu vois, OK. Ouais, là, écoute. Là. Non, mais c'est ça. Ben, ils vivent dangereusement. Ils vivent dangereusement tout le long. Je sais pas. J'ai jamais pensé ça de même, mais je me dis peut-être que je deviendrais comme Miguel, le personnage qui capote, là, qui fait une crise d'angoisse, mais arrête. Tu sais pas comment est-ce que tu réagirais dans une situation comme ça. Je pense que ce qui reste, c'est te restes-tu de l'espoir ou t'en restes plus? Ouais. Te restes-tu une raison de vivre ou t'en restes plus? Le docteur a encore sa raison de vivre. Puis. Ouais. Day of the Dead est assez lugubre. Ça, c'est sûr. Celui-là. Il pose beaucoup de questions puis il t'en fait poser beaucoup en tant que spectateur. Oui. Ouais. Est-ce qu'on passe au prochain? Oui. Ouais. Mais une dernière chose sur D, puis ça va, c'est aussi dans le prochain. C'est le premier film de zombies de Romero qui se finit sur une note positive. Ouais, c'est vrai. Le premier et le deuxième, en fait, c'est pas... je m'excuse. Ben... Down, ouais, c'est positif aussi. Là. Ouais. Ok, j'ai juste la fin du remake en tête. Pardon. Ouais, non. Ouais. Voilà, la fin du remake, non, ça finit pas bien. Non. Non, j'ai rien dit d'abord. Non. Pourtant, c'est mon film d'horreur préféré, puis je viens de réaliser que la fin est quand même positive aussi, là, de Dawn. Mais ouais, en tout cas, peu importe. On passe à Monkey Shines. Oui. Est-ce que vous l'avez vu tous les... Il est sur Crackle, je pense. Non, Tubi.tv. Tubi. Ouais. Qui est un autre de ces films qui n'est pas un film de zombies. C'est basé sur un roman. Oui. Je ne sais plus de qui. Je ne sais pas, c'est dit au début du film. Ouais, Mais c'est ça, non, le scénario est écrit par Romero, mais adapté d'un roman. Je m'excuse, je te le coupe plus. Non, c'est bon. Je cherche je vois pas si c'est le nom de l'acteur ou du personnage. Peu importe. Ça raconte l'histoire d'un homme. Non, l'acteur, c'est Jason Beige. Ok, c'est ça. C'est Jason Beige. Ok, ben alors c'est Alan qui est un homme beaucoup trop cote pour la vie et qui fait du jogging avec des briques dans son sac à dos, là, juste pour... Jeff, t'es encore loin de ça? Oh oui! J'étais comme si je fais chier. J'ai tellement pensé à Jeff, là, tu sais, quand il fait ses étirements tout nu, j'étais comme, ah oh ouais, Jeff, fais-tu des étirements tout nu? Non, non plus. Parce que, là, il est vraiment... Il exagère à fond, là, tu sais, c'est comme... Ah, écoute, là, c'est vraiment... Là... Le char, et, bon... Tabarslack, tu voyons donc, mets-toi des poids, je sais pas, des briques. Là, tu te pètes la gueule à la tête, t'as des briques qui t'envolent dans le dos. Là. Tu cours après une fracture de la colonne et c'est exactement ça qui va se passer. Mais non, il va devenir quadriplégique après un accident de jogging d'un truck qui rentre dedans, peu importe. Et clairement, ça va pas bien ses affaires, il est dépressif et tout ça, mais il y a un de ses amis qui est un scientifique qui lui dit « Hey, j'ai un singe pour toi. » Un... Oui? On sait qu'il est dépressif parce qu'il a une barbe. Ah mon Dieu, hein, c'est ça. Ah oui, moi je me rase plus. Non. Mais il y a une belle barbe, il y a une belle barbe. Non, il fait vraiment pas bien. Non, il fait pas bien. Il y a une belle barbe. Tu prends la barbe, tu la prends, tu la mets à quelqu'un d'autre, tu fais comme, waouh, t'as vraiment une belle barbe. Mais j'avais l'impression que c'était même pas une vraie barbe tellement qu'elle était... possible. Ah, hey, une barbe de même, longue de ils même. Ils ont acheté ça au magasin le matin du tournage, je pense. Là. Ah oui. Hey, Chris, c'est long à faire pousser une barbe de même. Mais non, c'est ça. Et surtout une belle barbe de même. Donc, c'est ça, il y a un de ses amis qui fait des expériences sur des singes. Il lui dira pas que le singe sur lequel... que le singe qui va lui donner... a subi des expériences, mais il lui donne un singe en lui disant « C'est un singe intelligent qui va devenir ton aide. » Et ce singe-là est vraiment beaucoup trop intelligent. Et il va s'établir une genre de connexion entre Alan et le singe, où le singe va communiquer sa frustration à Alan. Alan va communiquer ses genres de désirs de vengeance au singe. Et une petite relation malsaine entre les deux qui va s'établir. Quelle surprise! Moi, j'avais jamais vu ça. Moi, je sais pas jamais... quel point c'est un sarcasme. Non, c'est une belle surprise. Quelle surprise! Je pensais pas aimer ça. J'étais sceptique. Puis à un moment donné, le film m'a accroché. Autant par son invraisemblance incroyable de scientifique fou qui, toutes les fois que tu le vois, de plus en plus, il est de moins en moins propre et de moins en moins... Mais le gars, il prend une sorte de drogue pour se garder réveillé tout le temps. Il dit, ça fait genre 3 jours que je suis réveillé. Puis, Ouais. Mais non, j'avais déjà vu le film dans les années 90, genre à TV tard le soir, mais j'avais des images très vagues. Fait, je me suis dit, faut que je l'écoute pour pouvoir en parler. Puis, je savais que tu allais l'écouter. Fait, je me suis dit, sinon, je ne pourrais pas en parler. Puis je trouve que c'est un bon petit thriller de l'époque. Là. C'est un film qui ressemble un peu à d'autres affaires avec la gentille fille, puis l'ami qui est un petit peu shady, un petit peu bizarre. Puis je trouve que c'est, y a des trucs qu'on voit dans plein d'autres films. Et je trouve que c'est compétent. Premier film de studio de Romero, c'est ce que j'ai lu sur Wikipédia. Première fois qu'il travaillait vraiment pour un gros studio. Fait que c'était... Yeah. C'était quasiment une commande, là, je pense. Là. C'était plus. Okay. C'était pas vraiment un projet personnel. Là. C'était plus. Je sais pas qui a fait le training du singe, puis combien de singes qu'il y avait pour ce film-là, mais sérieusement, il y a beaucoup de séquences avec le singe. Oui. Tu sais, ce que je m'attendais à plus souvent des séquences de petites mains qui rentrent hors champ, où tu fais comme oh boy, c'était au bout de des bâtons, ces mains-là, tu sais. C'est des mains sur des bâtons de popsicle. Mais non, vraiment, le singe fait beaucoup de trucs dans ce film-là. Puis c'est. Tu y crois. Oui. Tu y crois vraiment, ce singe-là. Le singe a une personnalité. C'est vraiment trippant. Ce film-là a une finale qui ne finit plus, par exemple. Là. Exactement. Oui. Ouais. La confrontation finale qui doit durer quasiment une demi-heure. Parce que t'es comme. Ils vont passer tous les acteurs secondaires dans le film, puis ils vont tous les tuer, là. C'est ça. Puis c'est long, les séquences, là. T'as mané quand le singe, il menace avec l'allumette, comme quoi je vais brûler ta blonde. Mais là, t'es comme, ça fait 2 minutes qu'il est là, puis je vais brûler ta blonde. Là, j'étais comme, ok, ça va, c'est beau, j'ai compris. Tu vas brûler sa blonde, là, mais... Ah. Non, c'est ça, la finale tue un peu le rythme du. Ouais, j'arrivais pas à mettre le doigt dessus. J'ai pas réfléchi tant que ça sur le film, mais j'arrivais pas à mettre le doigt qu'est-ce qui me gossait. Puis j'ai lu la critique de Roger Ebert de l'époque, puis il dit il a essayé de mettre toutes les sous-histoires quasiment du roman. Fait que c'est comme à la fin, faut que tu t'occupes de la mère, faut que tu t'occupes du meilleur ami, faut que tu t'occupes. Comme il y en a trop, man. Focus twist. Ouais, la blonde avec la blonde qui l'a trompé, qui est avec l'autre docteur. Puis j'en regarde, prends-moi un personnage, puis focus sur un ou deux, là. Puis. Mm-hmm. Ouais. Mm-hmm. Ah, le moins, c'est ça, la mère, c'était inutile, là. C'est un autre scène choc. C'est juste pour mettre des moments en choc. Et la mère, la blonde qui sort avec le médecin. Il y a plein de trucs. La perruche. Il est long. Il est beaucoup trop long. Mais il est intéressant parce qu'il est différent. Oui. Mais putain qu'il est long. Il est vraiment long. Pour vrai, là, c'est un défaut de Romero là, pour avoir écouté beaucoup de ses films cette semaine. J'étais là comme Knight Riders 2h25. Là, après ça, c'est là 1h45. Là, après ça, le prochain, c'est genre 2 fois 50 minutes. Calvaire! Mais lui, je l'ai trouvé plus raccourci. Long. Raccourci! Tu sais, il dure 1h45, mais je l'ai trouvé plus long que le 2h25 de Knight Riders. Personnellement, Mais ça veut quand même dire ce que ça veut dire. C'est que il y a du gras, là. Il y a du gras. Oui. OK, je vais être vache, là. Mais le gars, il est en chaise roulante. Ses déplacements sont longs. Avec chaque scène où il se déplace, c'est long. Écoute, je me souviens même que je sais plus trop c'est quoi la scène puis qu'est-ce qu'il va faire, là, mais je sais qu'il va jeter un regard à quelqu'un, là. Mais c'est genre, prendre le temps de tourner la chaise, s'avancer un petit peu, se tourner vers la personne. T'sais, ça fait juste en sorte que tout un petit rythme de plus. Mais oui, la mamie, il parle avec sa mère, il est dans le salon, puis là, il l'envoie chier, puis là, sa mère, elle lave la vaisselle, fait que là, il décide d'aller la retrouver pour l'envoyer chier. Hey, c'était long. Mais, au bénéfice, l'acteur est vraiment bon. L'acteur, il joue bien, incroyable. Il est intense, là, puis... tu parlais, justement, JF, de Romero, il remplit toujours ses plans. C'est fou comment que ce film-là a toujours des gros plans sur l'acteur, là. Il est tout le temps filmé à partir des épaules, tout le temps sa face, là. Ma blonde, regardait le film, elle était comme... Mais il veut tout le temps montrer juste la face de l'acteur. Je sais, ben, il est quadriplégique, là. Le reste du corps, il acte pas trop. Je sais pas aussi si c'était peut-être une façon d'éviter de... d'avoir un mouvement parasite dans les mains ou peu importe, je sais pas, tu sais, je veux dire, l'acteur en étant trop intense, il bouge un doigt, là, fouille-moi. Ça serait vraiment poche, mais ça pourrait arriver. Justement, c'était ça le problème. J'irais pas jusqu'à. Non, en tout cas, j'ai eu de la misère un peu avec l'acteur. Je suis surpris quand même que vous disiez ça. Mais... Il y a une scène de Manus qui part à brailler la tête quasiment entre les seins de la fille blonde, puis je suis comme. C'était mauvais, cette scène-là, j'y crois pas en tout à ses pleurs, là. Mais. Attends un peu, j'ai pas marqué. C'est une petite scène de rien, là, tu sais. Mais je crois pas, mais j'avais pas l'impression qu'il fallait y croire. Ah, je sais. Moi, j'ai aimé ces switches. J'ai aimé ces switches que tu fais comme, OK, là, c'est carrément le singe qui est en train de. Tu sais, à la fin, là, tu sais, avant que tout commence, là, il est avec sa mère, puis à un moment donné, il est comme, oh shit, le singe est dans la maison. Oui, le singe est dans la maison. Là, tu sens dans sa face. Ouais, là, J'ai détesté tous les personnages. OK? Vraiment, là, I hate people in this movie. Je les ai toutes détestées. Ils m'ont toutes tombé sur les nerfs à plusieurs niveaux. Toute la gang. Fait, quand tu dis qu'il n'est pas crédible, je le détestais, anyway. Fait, il n'y en a aucun que j'apprécie, mais c'est positif dans le sens où j'ai quand même envie de voir mourir. Fait que j'ai envie de suivre le film. Mais pour vrai, là, la mère, ses réactions n'ont aucun bon sens. Le personnage, ses réactions n'ont aucun bon sens. Son meilleur ami, ça n'a aucun sens. Sa nouvelle blonde, ça n'a aucun sens. Le boss de son meilleur ami, ça n'a aucun sens. Personne ne fait du sens dans ce maudit film-là. Son ex, puis le docteur qui mais oui! Tu sais, évidemment, le moment où ils appellent chez eux, c'est le moment où ils sont toutes les deux vraiment trop sexés, là, tu sais. Il est pas en train d'écouter la TV pendant qu'elle lave la vaisselle ou whatever, là, tu sais. Il a pas appelé. Non, non. C'est vraiment le bout de ce qu'ils sont en train de le tromper le plus possible. C'est ça. Puis, tu sais, au début du film, est invité, là, son ex est invité au party de retrouvailles, genre, félicitations, tu reviens à la maison. Son ex est invité par sa mère. Mais quand il y a une nouvelle blonde, elle traite sa nouvelle blonde comme une marde. Oui. Mais elle a invité son ex qui est une marde. Tu sais, je suis comme, mais voyons ça. Ah, oh, je déteste. Ouais, mais ça, je serais curieux de lire le livre juste pour savoir si est-ce que son ex, c'était une fille riche, genre, puis la mère, elle l'aimait. Ouais, non, ça, même, là. Genre, ça, amie d'enfance, de la famille, whatever. Ils font partie de la haute société, puis la petite entraîneur de singe, c'est rien, là. C'est une merde, là. Ouais. Mais. Une chose que, à la fin, j'avais le goût de cheerer puis d'applaudir, là. la résolution de lui versus le singe. Oui. Ça ne pouvait pas être plus violent et ça n'avait pas de bon sens. Je le dis pas parce que je veux pas voler le punch, parce que je me disais, waouh, j'aurais vu un film où quelqu'un fait ça à un singe. Une fois dans ma vie. T'es comme, mais what the fuck? Avez-vous des animaux de compagnie? Non. Non. Ben, j'en ai eu, là, mais. Moi, sérieux, là, quand il dit, genre, je veux plus ce singe dans la maison, j'étais comme. Et c'est bien expéditif, il fait juste ses mains. Puis là, j'étais comme. C'est drôle, là, je viens de dire ça, je vous jure, ok? Je viens de dire, avez-vous des animaux de compagnie? Et mon chien s'est levé de loin, il vient de ma. Elle vient de là, elle est comme à mes pieds, puis elle n'était pas là deux secondes. Mais tu sais, c'est juste que c'est la bonne réaction à faire. Mais moi, j'ai mon chien, puis dans mon tête, mon chien va toujours être innocent. Fait que tu sais, j'étais comme, c'est super brillant de dire, faut plus qu'elle soit dans ma maison, faut plus qu'elle soit ici. Mais jamais je serais capable de faire ça. J'étais là, mais t'es donc bien sans cœur. Ce chien, ce singe ne dépend que de toi. Ce singe, je t'aime. Tu peux pas faire ça, ce singe. Mais il est super intelligent. Il est full cold, là. Il est froid, il est correct. Il est distancé par rapport à la situation. C'est la meilleure réaction à avoir. Mais ça reste que pour moi, c'est un animal de compagnie. Il fait juste ça, t'admirer, t'aimer, te vouloir. Non, pas ce singe. Tu peux pas faire ça. Pas ce singe. Non, puis comment on le sait. Eleven. Ella. C'est juste Ella. Puis il est dopé, le singe, aussi. Ouais. Tu sais. Ouais, je sais, mais il fait pas. C'est un méchant singe. Pas quand il demande de qu'il quitte la maison. Il le sait pas encore. Non, il sait pas encore. Mais il sait qu'elle est mauvaise. Il sait que... Oui. Ouais. Puis, mais j'aime bien comment il l'attire pour faire ce qu'il a à faire. Oui. Avec la toune pis tout, là, tu sais. Pis là, t'es comme, ah, oh, mon Dieu. Parce que ben, tu as déjà vu ça, cette toune-là, jouer avant, pis c'était quasiment malaisant. Tellement que c'est weird, comme scène. Pis là, à la fin, il le ramène, t'es comme, oh my God. Pis là, ça va servir à ça. Ah, c'est, non, il y avait une couple de moments vraiment trippants bonbons. Mais oui, trop de lenteur dans un film qui avait pas tant de choses à dire. Puis le petit jumpscare à la fin qui est inutile, pis qui a été rajouté par le studio, que George Romero. Ah, oh, mon Dieu! J'étais comme, quel jumpscare, ça vient de me revenir. Ouais, c'est oui. Quelle affaire de merde. Non, George Romero a fait fuck. Il voulait pas avoir ça dans mon film. Ils l'ont rajouté sans qu'il sache. Ah ouais? Ouais, derrière son dos. En fait. Les jumpscares? Ah, derrière son dos. Justement. Dans son dos et dans le dos de l'acteur. Quel jumpscare? Ce qui sort du dos de l'acteur. Ah, oh, ok. Ah. C'était de voir la face à Vicky. Là. Ah, Arc. Ah, Arc. Ouais, non, vraiment. Oh, j'ai pu la liste. Qu'est-ce qui venait après Monkey Shine? Two Evil Eyes, que je n'ai pas revu. Ça, j'ai pas voulu. J'ai pas l'écouté, finalement. Je voulais le mettre sur ma liste de Watch. Puis je l'as-tu vu, Jeff? Je l'ai vu il y a très longtemps, mais je m'en rappelle pas assez. Moi, je l'ai vu. Je l'ai vu. C'est des adaptations d'Edgar Allan Poe, si je me trompe pas. Ouais. Deux adaptations. Bon, on peut passer rapidement parce qu'en plus, c'est 2,50 minutes. Fait que c'est encore une fois très long. Tu sais, habituellement, une anthologie, là, 2,50 minutes quand même. Et dans le deuxième, il n'est pas crédité, Romero. Il est juste crédité dans le premier. Tu sais, comme vraiment les credits sur l'écran. Oui, il est juste deux, crédité dans le premier. Il n'est pas crédité dans le deuxième. C'est Argento. Oui, c'est ça. C'est deux réalisateurs. Mais c'est pas Romero dans un puis Argento dans l'autre. Dans le premier, c'est vraiment écrit Romero et Argento. Puis dans le deuxième, c'est juste écrit Argento. J'ai pas fini le deuxième, je me suis endormie, puis c'est pas parce que c'était pas bon, là, c'est parce que je suis vraiment brûlée. Fait que j'ai pas fini le deuxième, j'ai dit bon, ben gars, je le finirai plus tard. Le premier, c'est bon. En parler, ça dévoilerait des spoilers, parce que c'est ce film-là qui m'a fait penser à ce que Romero voulait dire avec ses films de zombies. Fait que je sais pas si vous permettez qu'on aille un peu dans le spoilers, mais l'histoire d'Edgar Allan Poe, c'est vraiment, je suis retournée les lire rapidement, puis je me souviens même pas d'avoir lu celle-là, mais souvent c'est ça avec Edgar Allan Poe. Et là, c'est vraiment un couple qui met le mari de la femme dans le congélateur, elle tue en fait, pour avoir l'argent. Donc, la femme est mariée avec... ce serait tellement ton genre de film, en plus, GF, là. C'est une jeune hôtesse de l'air qui s'est mariée avec un vieux monsieur full plein de cash pour que quand il crève, elle ramasse son argent. Puis c'est dit dès le début du film. Puis elle a un chum qui est aussi hypnotiseur. Puis il s'arrange pour hypnotiser le monsieur pour qu'il fasse dire à son avocat, pour qu'il dise à son avocat, donne l'argent à ma femme tout de suite, tant et souvent que je suis pas mort. Puis c'est pas grave. Fait que l'avocat y croit parce qu'il est hypnotisé. Et finalement, le monsieur, il meurt. Fait qu'il le cache dans le congélateur. Mais là, il continue à leur parler. Quand même. Puis les deux l'entendent. Puis le gars réussit, le chum, il réussit à l'enregistrer on tape. Le parler. Fait que c'est pas dans leur tête, c'est pas leur subconscient. Ils réussissent à l'enregistrer. Ce qui n'était probablement pas le cas avec Edgar Allan Poe. On s'entend qu'eux autres étaient dans le subconscient dans l'histoire originale. Bref. Et ce qui est intéressant dans le film, c'est que il dit, le vieux monsieur, il dit au chum, il dit « Je suis pris parce que tu m'as hypnotisé et tu m'as pas ramené avant que je meure. » Fait que je suis pris dans un état d'hypnose mort. Fait qu'il se décompose dans le congélateur, mais il est pris dans un état d'hypnose. Fait que c'est pour ça qu'il réussit à leur communiquer. Si vous voulez que je vous dévoile le spoil... Non. Ça vaut la peine, il est vraiment bon le film. Il est vraiment, vraiment bon. Mais c'est ça, c'est qu'on comprend que il est dans un autre monde, mais il est mort. Fait que... Voyez-le parce que ça porte un tout autre regard sur ce que Romero veut dire dans ses films. Les personnages sont super intéressants. Vraiment, vraiment intéressants. Pour vrai. C'est comme la fille, elle dit dès le début, elle dit « Man, j'ai marié ce monsieur-là. C'était très clair qu'il voulait juste parce que j'étais jeune. Il a profité de moi. Puis c'était clair que quand il était sur le bord de crever, je profiterais de lui. » Puis le chum, il dit « C'était ton idée de le tuer. » Tu m'as embarqué là-dedans, puis comme ouais, mais t'as aimé l'argent. Puis tu sais, avec les personnages, ils ont plein de nuances. Vraiment le fun. Tu sais, c'est pas genre, la fille, c'est une bitch qui veut le cash du monsieur. Puis c'est pas le gars, c'est un petit jeune qui a vu le potentiel de tuer la fille pour avoir de l'argent. C'est vraiment pas de ça, là. Il y a plusieurs couches aux personnages, qui sont vraiment, vraiment intéressants. Mm-hmm. Tu racontes tout ça, puis je m'en rappelle pas, à part l'affaire du congélateur. J'ai vu ça, j'étais allé louer en VHS avec ma première blonde en 95, genre. OK. Puis je me rappelle, on était allé au club vidéo, on cherchait un film d'horreur, j'avais aucune idée, c'était Romero ou quoi que ce soit, là, on avait loué ça, puis je sais même pas si on l'a fini, tu sais. Ma première blonde, un soir, je sais pas qu'est-ce qu'on a fait, là, mais je me souviens même pas si on l'a fini, le film. Mais écoute, sérieusement, tu me parles de congélateur, puis ça me dit quoi aussi? Fait que probablement que à l'époque quand je travaillais dans les clubs vidéo, j'ai peut-être dû partir avec, commencer à l'écouter, puis j'ai pas terminé. Mais il est bon, mais c'est sûr que sur 50 minutes, il aurait pu être réduit à 30 facilement. Mais il est bon, il vaut la peine d'être vu. Cool. Vraiment. Mettez ça dans votre ouais, vraiment, j'ai vraiment apprécié l'écoute de ce film. Il est dans les thèmes de Romero, il est dans son ambiance, dans ses personnages nuancés, dans des bons dialogues, une bonne critique, puis avec un bon punch, puis du beau maquillage. Nice. The Dark Half. Half? Part des ténèbres. La part des ténèbres. Une autre collaboration Romero-King. Oui, puis c'est le premier film de Romero que j'ai vu au cinéma. Je l'ai vu à l'époque, j'avais 16 ans. Qui? J'avais pas lu le livre encore à ce moment-là, je pense. Puis j'avais vraiment beaucoup aimé le film, mais je ne l'ai pas revu depuis. J'ai encore quelques images dans la tête, mais j'ai... J'ai pas revu depuis. La seule image que j'ai dans la tête, c'est cet œil qui sort de... Ouais, tu m'en as parlé l'autre fois. Avec une petite dent, puis tout, là. Puis j'aimais beaucoup l'acteur Timothy Hutton. Il fait un travail incroyable dans ce film-là, si je me souviens bien, dans le rôle double de principal, là. Puis c'est basé parce sur... Que En fait, ouais. Je m'excuse, mais c'est basé un peu sur la vraie histoire de Stephen King, dans le sens où Stephen King avait un pseudonyme pour écrire certains romans qui s'appelaient... Richard Bachman. Puis c'était tout un des romans qui se finissaient très mal, plus glauque encore que ses romans à lui. Mais à un moment donné, il y a quelqu'un qui a menacé de révéler son identité, puis au lieu de se laisser faire chanter par cette personne-là, il a décidé de le faire, de l'annoncer publiquement, puis de dire, j'enterre cette personnalité-là, puis c'est terminé, tu sais. Dans le film, oui, c'est ce qu'on voit, il fait un enterrement au cimetière, puis tout public, je me souviens bien, il enterre son double, tu sais, mais son double veut pas mourir, c'est ça l'histoire. Mm-hmm. Son alter ego veut pas mourir, ouais. Puis King, c'était quoi? C'était Richard Bachman, c'était Marche ou crève, Firestarter, Carrie? Non, pas Carrie, il y avait Running Man, le film avec Arnold. C'est ça, Rage. Rage, c'est-tu lui? Ah, Rage, oui. Puis, il y a eu Les Régulateurs aussi. Oui, effectivement, plus tard, qui était très bon comme idée. Mais ouais, c'est ça. Parce que dans le fond, finalement, c'est avec King qui s'est mis à pogner, puis Richard Bachman ne pognait plus. Dans le film, si je me souviens bien, le gars ordinaire écrit des romans d'amour, mais il pogne, il fait de l'argent avec ses romans d'horreur. Si je me souviens bien. Écoute, ça fait longtemps. Ça fait tellement longtemps. Mais de souvenir, c'était correct. Ouais. Ben, moi, j'avais été bien impressionné, mais j'avais 16 ans, fait qu'il faudrait que je le revoie, le film. Je sais pas. Ouais, exact. On passe au prochain rapidement. Ben, pas rapidement, parce que si tu l'as vu, ça me rappelle d'en parler. Bruiser! Oui, Bruiser. J'ai encore là été très surpris, parce que je l'avais jamais vu, puis je connaissais pas grand-chose du film. En gros, c'est l'histoire d'un gars qui s'appelle Henry, qui se fait manger à laine sous le dos par tout le monde, par son boss, sa blonde, son meilleur ami, tout ça. Il vit une vie bien ordinaire dans un petit bureau, tout ça. Son boss, c'est l'acteur Peter Stormare. Il est en mode complètement déchaîné. Si vous connaissez un peu l'acteur, là, moi, j'ai vraiment adoré son personnage. C'est un personnage coquet, qui couche avec tout le monde. Puis d'habitude, ça m'aurait tapé ses nerfs, mais il est vraiment le fun à le voir dans ce film-là. En tout cas, Henry, un matin, va se réveiller, puis son visage, ça va être un masque blanc. Pas de trait, rien, juste un masque blanc. Il ne peut pas l'enlever, rien. Puis, ça va un peu modifier aussi sa personnalité. Il va commencer à vouloir se venger des gens qui le font chier. Un peu comme le personnage dans Monkey Shines qui se venge à travers le singe. Bien, lui, il va se venger, mais parce qu'il porte un masque, puis personne ne peut le reconnaître. Fait que ça devient un film de vengeance. Puis, c'est convenu, c'est dans le sens où c'est du déjà vu un peu, pas l'affaire du masque, mais le côté vengeance, c'est du déjà vu. Ouais. Mais j'ai eu du fun à regarder ce film-là. T'sais, d'un côté, c'est un petit peu poche parce qu'il y a une petite ambiance très années 90, c'est un film de 2000, mais on dirait un film de 95 avec du saxophone qui joue des fois en musique de fond, des trucs comme ça, t'sais, puis les lieux, l'ambiance, la mode, les maquillages, ça fait vraiment un film cheap là, des 90. Mais d'un côté, j'ai adoré l'acteur principal que je connaissais pas, j'ai adoré Peter Stormare, j'ai aimé le côté vengeance du film, puis j'ai aimé l'originalité du scénario. Ça se termine la dernière demi-heure dans un genre de gros party avec le groupe punk des Misfits qui font un concert, puis t'as du monde déguisé, puis toutes sortes d'affaires, puis je trouvais ça, c'est ambitieux comme scénario, même s'il n'y avait pas eu moyen de faire tout ce qu'il aurait voulu faire, je suppose. Mais il a réussi quand même, Romero, à faire de quoi d'intéressant que ça. Puis je comprends pas que ce film-là n'est pas plus connu, parce que je trouve qu'il en vaut vraiment la peine. Je trouve que, encore là, c'est un film qui parle un peu contre le capitalisme, contre l'appât du gain. T'sais. Son meilleur ami, il se fait de l'argent sur le dos de notre protagoniste et tout ça. Puis t'sais, c'est... J'ai vraiment aimé. C'est sûr que les films de Romero, c'est souvent le gars blanc ordinaire qui se fait manger un palais sur le dos par tout le monde. Mais puis ce film-là, c'est vraiment ça. Mais j'ai vraiment eu beaucoup de fun avec ce film-là, avec Bruiser. Cool. Ça, j'ai répété le film. J'ai répété le titre. Oui, tu l'as répété le film. Vicky, Bruiser, est-ce que tu l'avais vu? Parce que Vicky était disparu, alors on lui demande quand même. On t'entend pas. Mais je sais, j'ai fermé mon micro pour manger ma pizza. Oh! Bruisers, non plus, je l'ai pas vu. Fait que, d'accord. Mais je le recommande. OK. OK, alors, cool. Alors, on s'en va au segment de sa carrière à Romero. Parce que on reste un petit peu sur la montagne, mais on va commencer à descendre par la suite. Là. En tout cas, moi, personnellement. Land of the Dead. Suite au remake de Dawn, il y a eu de la demande, je suppose. Puis, ouais. 20 ans après Day of the Dead, il a enfin fait un film de zombies. Ouais, 20 ans, tu sais. On l'avait attendu, celui-là. Il était supposé faire un film de Resident Evil des années 90, ça n'avait pas marché. Oui. Alors que ça aurait tellement été mieux. Probablement. Resident Evil est clairement basé. En tout cas, c'est. Sur son esthétique, là. Sur son esthétique et tout ça. Finalement, ça a été Wes Anderson. Comment il s'appelle? P.T. Anderson. Paul W.S. Anderson. Ouais, Paul W.S. Anderson. Ouais, écoute, ouais. Non, pas Wes Anderson. Okay, non, écoute. Un film de zombies réalisé par Wes Anderson. Ah, ça serait mal. On veut voir ça. On veut voir ça, en tout cas. Oh, oui, ça serait magique. Ouais. Land of the Dead. Ouais. Pour moi, c'est un de ses films les plus ambitieux en termes de d'action, d'effets spéciaux et tout ça, selon moi, là. De budget aussi. Il y a eu beaucoup d'argent, je pense, pour ce film-là. des acteurs, tu sais, John Leguizamo, Dennis Hopper, toutes sortes de monde, Asia Argento. Ben, tout est là. Tout est là, puis... Tout, on disait que tout ce qu'il a voulu faire dans ces autres films, tout ce qu'il pouvait mettre à l'écran, il pouvait, là. C'est vraiment, lui, la fin de son premier cycle, le zombie, là, tu sais, parce qu'après ça, avec Diary, il recommence d'autres choses, mais... je trouve que Land, c'est la fin de ces quatre films-là de zombies qui avaient commencé avec Night, puis... C'est que dans le fond, c'est... Jusqu'à D, c'était comment est-ce qu'on sort de toute cette crise-là, puis Land, c'est comme, ben voici comment qu'on s'en est sorti. Voici ce qu'on est maintenant. Ouais, c'est est-ce qu'on s'en est vraiment sorti, parce que c'est super corrompu, cet endroit-là, puis les pauvres vivent en périphérie de la ville, puis ils mangent de la marde, les riches sont dans une tour super protégée, puis ils font comme s'il n'était rien arrivé, là, tu sais. Son message social est très au crayon gras dans l'End. Il n'y a pas de subtilité, puis il ne faut pas que tu regardes le deuxième degré, c'est le premier degré. Tout est là. Mais moi, je le dis tout de suite, j'ai toujours aimé ce film-là. Je l'ai vu quand ça sortit. Je l'ai pas vu au cinéma, mais je l'ai vu en DVD quand ça sortit. Puis j'adore regarder ce film-là. J'ai tout le temps du fun avec ça. Et je m'emmerde jamais. C'est ça. Moi, c'est un gros film le fun pour moi. C'est un film d'action, de zombies avec beaucoup de gore, beaucoup de sortes d'affaires, puis des kills originaux. Puis ça va pas au bout de ce que ça pourrait être parce qu'il y a des personnages qui sont complètement... wasted en anglais, là, c'est des personnages qu'on voit presque pas puis qui font rien, mais ceux qu'on voit puis qui font de quoi, en tout cas, je les aime. J'aime beaucoup John Leguizamo là-dedans, puis j'aime. Ouais. C'est ça, j'aime l'acteur principal, puis. J'aime ce qu'il fait avec les zombies. Ah oui, j'aime ce qu'il fait avec les zombies. C'est le premier film. Il nous montre les zombies comme si, tu sais, c'est le next step. Oh oui, c'est l'étape après Bob. Ouais, là, ils savent, ils apprennent à utiliser des outils vraiment contre les humains. Ben, Bob l'avait fait, mais là, il amène ça ailleurs. Là, ils utilisent des haches, des mitraillettes, sortes d'affaires. Oui, puis toute cette idée-là de. Puis ça donne quand même une séquence vraiment intéressante des zombies qui s'en vont dans l'eau. Oui. Parce que c'est comme, hey, on peut. On est mort. Why not? On est mort. Sauf que bon, pourquoi est-ce qu'ils flottent pas? Je sais pas. Parce qu'il semble qu'ils flottent pas, ils font juste marcher dans le fond. Moi, j'imagine, on les voit pas marcher, mais j'imagine. Ouais. On les voit juste rire, émerger, là, mais. Ouais, parce que pour de vrai, on s'entend-tu qu'une gang de zombies dans l'eau, ça fait juste comme. Ça flotte, puis ça, c'est plus nager, puis ils sont emportés par le courant. Ben, en même temps, si tu nages pas, tu fais rien, tu te laisses caler, tu vas caler. Si t'as un poids mort dans l'eau. C'est un cadavre. Le cadavre, ça flotte. Ouais, t'as raison. Non? Je sais pas. Jusqu'à un certain point, les vêtements viennent pas tout imbiber. Ouais, je sais pas. Écoute, je ne suis pas un spécialiste et je poserai pas la question à un spécialiste parce qu'il va dire pourquoi tu me poses ces questions. Est-ce que le cadavre flotte? Quand tu sais quelqu'un dans l'eau, est-ce que le cadavre flotte? Ouais, ouais. Je voulais me débarrasser de cadavre. Est-ce que la rivière est le meilleur endroit? Mon cadavre utilise encore des outils. Il est pas vraiment mort. Pas encore. Je pourrais le retuer si tu veux. Ben moi, à propos de ce film, ce que je dirais, je l'ai pas revu, mais je l'ai vu dans le temps, il y a très longtemps. Je l'ai pas revu, mais je sais qu'il est marquant pour plusieurs personnes parce que c'est un film où on donne une conscience aux zombies, ce qui est très, très, très rare, voire jamais vu à part Bob. Ouais. Ce film-là va quand même venir chercher les gens. Puis si vous ne l'avez pas vu, je pense qu'il peut quand même être intéressant parce que justement, c'est de se poser la question, est-ce qu'on serait mieux vivant finalement? Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'être mort et heureux avec ce film-là? C'est sûr que si tout le monde devient des zombies, il n'y a plus de problème. Mais c'est la question qu'on se pose avec La Semaine on Earth. Vous vous souvenez de La Semaine on Earth? Oui. Mm-hmm. Le film de Vincent Price pose la question, est-ce que c'est l'humain qui est vraiment la meilleure proposition, la meilleure position de notre corps, est-ce que c'est celle qu'on connaît qui est l'humain? Mais ce film-là pose la même question. Est-ce que c'est la finalité de notre corps, c'est l'humain tel qu'on le soit, ou il pourrait y avoir autre chose? Ah, ça, je vous dirais, écoutez The Girl with All the Gifts. OK, good. La plupart des personnages des films de Romero, quand ils se font mordre ou quelque chose, ils demandent à se faire tuer. Puis c'est dans Dawn of the Dead, t'en as un des protagonistes qui se fait mordre puis qui dit ok ben tue-moi, je veux pas revenir, je veux pas être. Dans Land, t'as le spoiler pour ceux qui l'auraient pas vu, mais t'as le personnage de John Leguizamo qui se fait mordre. Puis un de ses amis, un de ses collègues est sur le point de le tirer puis il dit. Non, on dit laisse-moi vivant. J'ai toujours été curieux de savoir how the other half lives. Comment l'autre moitié vit. Là. Je serais juste curieux de savoir comment ça se passe dans le tête. Je veux-tu être conscient encore? Ouais, lui, il est curieux, lui. C'est un des premiers qu'on voit vraiment être curieux dans sa série. Dans la filmographie complète de tous les films de zombies du monde. Combien de fois est-ce que tu vois quelqu'un qui fait comme non! Hey, tu m'as pas recours! Cool. Ça va être malade! C'est assez rare. Ouais. Puis, mais oui, c'est puis on a un peu notre conclusion de tout ça. Moi, je trouve que ce film-là boucle la boucle de tu sais, je veux dire, la manière que ça se terminait, j'étais bien content. J'étais comme, ok, ça pourrait s'arrêter là, la série. Ça pourrait être son dernier, hein. Parce que c'est la gang. Ben, c'est ça le problème. C'est que ça a bouclé la boucle, puis il en a fait d'autres après. Ouais. Fait que je suis désolé, mais moi, c'est que ça veut dire qu'il pensait avoir autre chose à dire. Mais... Dans les autres, on recommence. Ouais, c'est ça qui vous gosse. Ouais, c'est ça, ouais. Pourquoi je t'en tabarnak qu'il soit mort? Reviens la vie, c'est ça que je veux. Reviens la vie, puis mets ton film ultime. C'est ça, il est peut-être pas mort. Hey, ça pourrait-tu être le zombie ultime, ça, Romero? Ah, oh, ça serait magique. The first zombie, c'est Romero. Wow. Là, on boucle la boucle en salle. Là, on boucle la boucle en salle. Puis là, on a le premier réalisateur zombie. Voilà, la meilleure façon de me rendre satisfaite à la fin de ce podcast, c'est de ramener en vie Romero. Ben, je me serai si, justement, regarde. Une surprise pour vous. Il est enchaîné, là. Vous le montrez via la caméra. Oh my god, il a enchaîné le réalisateur. Il est resté à Toronto depuis une dizaine d'années, là. Fait que quand il est mort, je suis allé le chercher. Puis... Bien, parfait. Mais, tu vois, c'est parce que Vicky, je suis d'accord avec toi. Il y avait d'autres choses à dire. En tout cas, il y avait d'autres messages, d'autres choses à critiquer. Je pense que les zombies n'étaient plus nécessairement la bonne façon de critiquer tout ça. On dirait que c'est comme... S'ils avaient fait autre chose que les zombies, c'est clair qu'il n'y aurait pas eu une maudite scène. C'est clair ça, que... C'est ça, je voulais rajouter après que tu aies fini. Je pense qu'il n'y aurait pas eu d'argent, de toute façon. Les gens voulaient Romero, zombie, Romero égale zombie. Ouais. C'est jusqu'à vrai. La fin, ça l'aura teinté, tu sais. Ce qui a fait sa renommée, l'a blessé après, à la fin, tu sais. Il était pogné avec scrappé, ça. Ouais. Parce qu'on s'entend que Diary of the Dead, tu sais. Oui, t'as une critique sur tout ce monde-là qui veulent faire comme nous. La génération YouTube. Sur Internet, le millennial, puis tout ça. La génération YouTube. Mais le film de zombies était peut-être pas le meilleur. Non. Meilleure c'est façon mal pour exprimer ça parce que c'est très très mal exécuté, c'est maladroit, puis ça sonne quasiment une critique de mon oncle. Oui. C'est... Puis même qu'à Mané, tu comprends même plus qu'est-ce que. Tu as l'impression que Romero a jamais vu de fond de footage, tu sais. Puis tu sais, c'est une critique de mon oncle. Montre-nous pas des jeunes comme, tant qu'à ça, des jeunes comme personnages principaux. Ils sont mal écrits, ça sonne pas comme des vrais jeunes. Ouais. C'est quasiment en plus, c'est quasiment ses premiers jeunes. Oui. Montre-nous des mononcles. Au pire, ils critiquent les jeunes, mais montre-nous pas c'est des pas... jeunes qui se critiquent d'autres mains. Ils ont toutes l'air. Ils font tous des gros. Des grands monologues à la caméra. Du premier, ils ont toutes des faces d'enterrement. Là, ils ont toutes des gueules d'enterrement. Puis ils font tous des grands monologues sur. C'est des petits philosophes à Saint-Saëns, tout le long du film. Je suis comme. Ah, j'ai envie de m'arracher les cheveux. Puis le professeur qui est avec eux autres. Ah, c'est que j'ai de la haïs, ce personnage-là. J'ai vraiment envie de le fesser. C'est incroyable. T'sais, j'ai toujours vu ces films comme je vais prendre quelque chose puis je vais le pousser à l'extrême. T'sais, The Crazies, Dawn, même Martin qui est dans sa folie puis tout ça. Puis dans Diary, ça aurait été quoi de prendre ok, qu'est-ce qu'on fait avec YouTube? Où est-ce que je m'en vais amener ça? Là, t'sais? Où est-ce que je vais aller l'amener au max pour faire checker comment ça est épouvantable ce que vous êtes en train de faire dans sa vision à lui puis sa critique à lui? Peu importe qu'on le partage ou non. Mais là, c'est comme, je vais vous passer mon message à travers un film de zombies, tout ce qui est plus banal. Puis là, tu fais comme, ok. Tu as fait un film de zombies, puis t'as mis un message à travers, tu sais. Tandis que son message aurait dû être le moteur de son film, et ce qui a drivé son idée. Tandis que là, il a juste écrit. C'est comme si on lui avait dit, tiens, voilà un film de zombies, là. Puis réalise ça, puis pitch-nous donc. Mets ton message dedans, là, puis tu fais comme tu veux, là. Bon, OK, les personnages, ça va être des jeunes qui se filment. Tu sais, mais ça va rester la trame narrative du film de zombies. Ouais. Parce que là, on a skippé, là, on est parti de Land of the Dead, on a embarqué dans Diary carrément, là. Mais moi, Diary, sérieux, je l'ai vu par hasard sur Netflix, en disant, ah, cool, un film de zombies, j'ai même pas regardé. Puis c'est quand il a fini, je fais, hostie de crise de dope de marde, donc ben mauvais. Puis là, en l'arrêtant, ça m'écrit, vous avez aimé ce film? Voici d'autres suggestions du même réalisateur. Et là, je vais Night of the Living Dead. Tu me fucking ignores. Et je regarde, c'est Romero qui a réalisé ce film-là. Tu me fucking ignores. Et j'étais insultée par ce film-là. C'est tellement mauvais. Tout est mauvais. J'étais là, mais on dirait quelqu'un... Avant de savoir c'était qui le réalisateur, j'étais comme, OK, on dirait le premier film de zombie de quelqu'un qui s'est juste dit, je vais copier tout ce qui a été fait. Je vais le refaire, fait que ça va être bon parce que ça a déjà été bon. Il y avait zéro originalité dans ce film-là. C'était épouvantable. Épouvantable. Jeff, je sais que t'es fan de Romero, mais je te demande non, pas si t'as Diary DVD. Je suis pas fan de Diary. Je l'ai réécouté hier encore, puis je suis comme non. Okay. Hier, j'ai écouté... Je sais que sur le DVD... Me suis tapé Len, puis Diary, puis Len, c'est un chef-d'œuvre à côté de Diary pour moi. Là. Len, ah, j'ai du fun tout le long, puis Diary, c'est... Le... Non, je déteste les personnages. J'ai vraiment envie de toutes les tuer. Je les déteste. Ah, ils sont dégueulasses. Vicky, je voulais te demander, tu vas voir dans les bonus, je sais pas si ça te le dit, mais il y a des courts-métrages. J'ai comme fait un concours, réalisé des courts-métrages d'horreur. MySpace Contest. Ouais. Ça te dis-tu, il y a un paquet de courts-métrages d'horreur. Moi, je l'ai écouté sur Netflix, puis celle-là, je me l'ai fait Il y a des courts-métrages plus intéressants que le film, en bonus sur le DVD, puis c'est pas lui qui les a fait. C'est genre un concours qu'il avait fait, là, genre, réalisez votre court-métrage, concours, vous serez sur le DVD de Diary. Sur MySpace. C'est MySpace Contest Winner. Yeah. C'est MySpace, ça veut tout dire. Ben, tu vois une page MySpace dans le film, on la voit sur un ordinateur aussi. Ouais. Ben, en tout cas, pis c'est drôle parce que, tu sais, dans le fond, ils utilisent le court-métrage diffusé sur Internet, en tout cas MySpace, tout ça, pour faire un concours sur DVD, mais finalement, le film, bitch, sur ça. En tout cas, c'est comme... J'écoutais les court-métrages, j'étais comme, OK, c'est meilleur que le film, et c'est aucunement cohérent que ce soit sur le DVD de ce film-là. Alors, voilà. Il y aurait dû un petit peu que le frenzy de la frénésie, bon, je cherche mes mots, frénésie de YouTube Point Plus encore. Ça faisait juste un an que ça existait, YouTube. Oui, puis tu sais, prendre le temps de bien l'observer. Oui. En plus, écoute, 20 ans entre Day puis Land. Land et Day, 17 entre Day et Dawn, et 10 ans entre Dawn et Night, 2 ans entre Len et Diary. Voilà. What the fuck? Non, écoute, non. Clairement, sa réflexion n'était pas là. Elle n'était pas là. Non, c'était vrai juste pour vaguer sur le... surfer sur la vague, là, Oh, oui, vraiment. Même dans le résumé, autant en anglais qu'en français, c'est « Romero continues his influential dead series ». This time focusing, puis tu sais, Romero se concentre cette fois-ci sur poursuivant sa série marquante sur les morts. Oui. Là, il va se concentrer cette fois-ci sur des étudiants. Mais c'est pas ça qu'il a fait précédemment. Il s'est pas concentré sur un groupe en particulier précédemment. C'est pas ça qu'il faisait. C'est pas comme s'il disait, ah, ben là, je vais me concentrer sur le monde de l'armée. Ah, là, je vais me concentrer. Non! Il s'est pas concentré sur les gens vivant dans une maison reculée près d'un cimetière dans le premier film. Là. C'est pas ça. Une photographie d'un moment, tu sais. Là, c'est ah, ben cette fois-ci, il s'est concentré sur des étudiants en cinéma. Comme si c'était un groupe. Comme si les étudiants en cinéma étaient un groupe. C'est un groupe de la société. C'est ça. Ouais, s'il y avait eu, mettons, un étudiant, un gars de l'armée, un Amish ou peu importe, là, c'était. Ouais. Oui! Mais là, c'est ah, cette fois-ci, il se concentre sur des étudiants en cinéma. Fait que tu sais, c'est comme dire, ouais, c'est ça, il y a comme l'armée, à un moment donné, il est à l'armée, puis là, ben, il est dans un étudiant. Ça marche pas. Puis tu sais, il continue rien. Il continue absolument rien dans ce film-là. Tu sais, autant que les autres, ce sont pas, tu sais, puis les autres, c'est pas des suites, dans le sens que, oui, Dawn vient après Night, là, puis tu comprends que t'es plus loin dans le processus. Mais tu sais, c'est pas des suites. T'es pas en train de dire hey, j'ai tellement hâte d'écouter le prochain pour savoir ce qui va se passer. T'sais, ce qui se passe, c'est juste le temps passe. T'sais. Mais là, là-dedans, tu sens même pas le temps passer, il est revenu, tu sais, il pousse même plus son idée plus loin, il la fait revenir. Puis il la fait revenir à nos jours, comme s'il avait tout jeté le reste aux poubelles. Oui, parce qu'il repart de zéro. C'est l'infestation, donc c'est un député. On le sait, mais on n'est pas sûr. Propagation, D, c'est OK, après coup, on est dans merde. L'end, c'est OK, maintenant que tu sais, on s'est réorganisé. Là, c'est on va tout faire ça dans un seul film. Moi, je lisais à l'époque beaucoup de sites Ain't It Cool News ou des trucs comme ça. Puis quand la nouvelle est sortie, il disait que ça allait être un genre de reboot de sa série. Genre, pas un reboot, mais tu sais, il allait faire un nouveau film qui se passait le premier jour de l'infestation de zombies. Puis ça serait un found footage. Puis là, les gens, ils se demandaient, « Oh, ça va-tu être genre un found footage, mais style années 60 avec des vieilles caméras en pellicule, tu sais, ce qui... Là, ils vont peut-être tomber sur la maison. Peut-être qu'ils vont passer près de la maison du premier film. Ça va se passer le même soir, mais avec une autre gang à côté, dans une autre ville ou quelque chose de genre. Là, ça aurait été cool, ça. Dans le style des années 60, avec des costumes, puis les maquillages, tout ça. Mais c'était pas ça pantoute, finalement. C'était des jeunes blasés de nos jours qui... c'est ça. Ouais. Pas d'émotion pantoute. Critiqué par un vieux mon oncle. Puis une astuce de narration poche, un montage poche. Hey! Voir du monde faire du montage dans un film, c'est quoi de plus plate? Oui. Tu sais? Non. C'est comme, je mets la cassette, tiens, c'est déjà dans l'ordinateur, tu peux déjà le monter. C'est pas de même si ça marche, mon ami. Non, non, non. Avec une cassette mini DV, c'est pas comme ça que ça marche. Non. Hé, Christian, c'est long. C'est long. C'est long, Anastie. Est-ce qu'on est déjà rendu à son dernier? Diary of the Dead. Tu sais, c'est Diary, c'est le journal intime des morts, mais c'est les vivants. Ça marche pas. C'est le journal intime des vivants. Ah, ça aurait été le fun, ça. Un zombie qui écrit son journal, tu sais. Il se rappelle comment écrire, puis. Mais oui, mais c'est arrêté dans la lignée. Oui. Je suis devenu un zombie, puis que je suis revenu. On prend un zombie à la GoPro de VHS2. Oui, oui, oui. Mais on le fait aller, tu sais, là, genre avec les autres zombies. Puis, lentement, là, oui. Puis là, maintenant, tu vois du monde qui arrive, puis je vais les attaquer. Puis lui, il est témoin de tout, un peu à la Bob, là, mais sans trop attaquer le monde, il est juste témoin de ce qui se passe, puis il réfléchit un peu. Là, on a un diary. Là, on a vraiment un journal du mort. Ouais. Là, c'est des vivants qui essaient de survivre, ils sont pas morts. Non, c'est. Même son titre ne fit plus. Ouais. Parlant de survivre. On est déjà rendu à son dernier. Oui. Je ne l'ai pas vu. Non plus. Survival of the Dead. C'est un mal-aimé. Je l'ai réécouté aujourd'hui. Je l'ai loué sur Google Play. Je l'avais vu, comme j'ai dit, en première à l'Impérial. Puis c'est un film qui bénéficie, selon moi... Juste point de vue visuel, c'est un de ses plus beaux, selon moi. Il bénéficie du widescreen 2.35. T'sais, il est vraiment... C'est la première fois qu'il fait un film comme ça dans ce format-là, je pense, dans toute sa carrière. Puis c'était... Il y a un directeur photo que je connais pas, mais qui a fait vraiment des super de belles shots. C'est tourné sur... je sais pas trop à quelle place, mais sur une île, là, quelque part, au Canada. Mais des belles shots d'automne, des feuilles puis en couleur, puis tout, c'est super beau. Beaucoup de scènes de jour, ça se passe pas tout le soir, là, c'est intéressant pour ça. Puis tu suis des gars de l'armée, d'une part, les mêmes gens de l'armée qui ont arrêté les jeunes dans Diary, fait que ça, c'est vraiment une continuation directe. Mais c'est juste ça, là, tu sais, c'est juste parce que c'est les mêmes gars de l'armée. Puis t'as aussi sur l'île deux vieux bonhommes qui se battent depuis des décennies, qui se détestent. Les deux familles se détestent. Puis il y en a un qui pense qu'on devrait pouvoir garder les zombies attachés près de nous autres puis pouvoir les guérir à un moment donné. Puis l'autre qui dit qu'on devrait tous les abattre. Puis les deux se détestent pour ça. Puis en plus de leur haine depuis qu'ils sont jeunes, depuis toujours... Puis c'est un peu parodique un peu parce que tu sais, ces deux gars-là qui ont des gros accents irlandais, c'est comme deux vieilles familles qui se détestent, les Muldoon puis les O'Flynn qui se détestent. Et puis puis t'as l'armée qui est mêlée à tout ça, qui vient sur l'île puis qui vient se mêler de tout ça. Puis t'as beaucoup de mauvais CGI dans le film, mais il y a une partie de moi qui aime ce film-là parce que je trouve ça cool que Romero ait fait un western. C'est un feeling de western tout le long du film, puis il a fait ça, un western, avant de mourir. Ces vieux réalisateurs-là, ils aiment ça faire des... C'est des tripeux de western. T'sais, Tarantino, c'est un tripeux de western, puis il en a fait. Romero, je suis sûr que c'était un tripeux quand il était jeune, puis il en a fait un pour finir sa carrière, puis c'est super beau visuellement. ça, puis ça fait avancer un peu la pensée dans les autres films, parce que justement, comme je disais plus tôt dans l'épisode, dans ce film-là, on se pose la question, est-ce qu'on pourrait leur faire manger d'autres choses aux zombies pour au lieu qu'ils nous mangent d'autres, genre des animaux? Puis c'est une question qui est posée vers la fin du film, puis ils font des tests là-dessus. Mais non, c'est ça. Tu vois qu'il n'y a pas tant de budget que ça non plus, puis c'est le gros problème de tous ces films, Diary, puis ça, puis ça reste un problème. Il y a beaucoup d'idées, mais il n'y a pas vraiment les moyens. Puis le CGI fait mal au film un peu, là. Je trouve que c'est du très mauvais CGI par moment, mais... C'est à quelle année, ça, pour avoir un mauvais CGI, demain? 2010. Mais ça a tout été un réalisateur indépendant, fait que tout... C'est tout le temps dépendant de du peu d'argent qu'il y avait à chaque film. T'sais. À part peut-être pour Monkey Shines, puis Land, puis Knight Riders. Et puis je pose la question, puis ça fait vraiment néophyte là, comme question. Est-ce que Savini a toujours été avec? Non. Jusqu'à la fin, non? Non, il est à partir de Monkey Shines, je pense qu'il n'est même pas là. Il est sur Two Evil Eyes, il fait des effets spéciaux. Okay. Mais Dark Half, je sais pas. Puis après, parce que les années 2000, il est pas là. Il fait une apparition dans Land. Il y a un petit caméo. Son biker de Dawn of the Dead est là. Oui, c'est vrai. Oui. Mais ouais, ok. Non, ça souffre de ça, le dernier film. Puis Diary aussi, des effets spéciaux. Mais surtout de Survival, tu vois bien le CGI. C'est comme, my God, je l'écoutais après-midi, j'étais comme, donnez-moi du Savini. C'est Greg. Ouais, c'est ça. Si je me trompe pas, c'est Greg Nicotero de Walking Dead qui a fait des effets spéciaux de Survival. Okay. Mais ça marche plus ou moins. Il y en a qui marchent un peu, mais... Puis il y a des kills fun. Il essaie encore de trouver des façons originales de tuer, comme avec une genre de des fusées pour envoyer en l'air, pour signaler qu'il y a un terrestre. Il en envoie une dans la poitrine du zombie, puis sa tête pogne en feu. C'est ridicule, mais t'sais, beaucoup d'humour dans les films de zombies de Romero, là, c'est une de ses marques de commerce. Là. Ouais. Faut pas tout le temps prendre ça trop au sérieux non plus. Puis moi, je trouve ça drôle, le conflit entre les deux vieux bonhommes dans le film. Puis j'aime le côté western de ce film-là. J'aime les beaux plans de caméra. Puis il y a une partie de moi qui aime bien Survival. Là. Est-ce que c'est une bonne façon de terminer sa filmo? Je suis pas mécontent, mais en même temps... L'End aurait été une meilleure façon de la finir. Oui, je pense qu'après L'End, c'était terminé. D'étirer trop la sauce, là, Diary puis Survival. Puis c'est comme on disait, c'est parce que c'est juste comme ça qu'ils pouvaient avoir de l'argent. Si eux autres pouvaient mettre sur... les producteurs pouvaient mettre sur une affiche « George Romero's *S, quelque chose of the dead », il y avait de l'argent. Ils savaient qu'il y avait un public pour ça. Moi, j'allais y aller. T'sais. Ils savaient qu'il y avait un public pour ça. Ouais. Là, le prochain, c'était même pas lui qui réalisait, mais il a écrit un autre film, c'est Road of the Dead, réalisé par quelqu'un d'autre. Je sais pas si ça va sortir, le statut est inconnu en ce moment, mais c'est un genre de Fast and the Furious avec des zombies, t'sais. C'est comme ça que ça a été décrit un peu. T'sais, c'est même plus... Ça devient juste n'importe quoi. Puis ben, il a fait son comic en 2014, ici, Empire of the Dead, en 15 numéros. Ouais, j'ai vu ça. J'étais en train de le lire un peu, puis c'est... T'as peu. Zombies versus humans versus vampires. Là, c'est les vampires. Wow! Il a intégré les vampires là-dedans. Ouais. Est-ce que c'est des vampires à la Martin? Et je m'en souviens pas assez de Martin pour dire. Alors, il n'y a pas de vampire de Martin. Il se croit vampire. Ouais. Il attaque les gens, mais il est juste fou. J'ai lu, ça c'est un petit recueil des 5 premiers numéros. J'ai lu les 3 premiers. Une chose qui m'a vraiment intéressé, c'est que dans le premier, t'as... un petit flashback sur qu'est-ce qui se passe avec Barbara puis Johnny dans le premier film, après que Barbara se fasse pogner par son frère puis qu'elle se fasse amener. On pense qu'elle meurt, mais c'est pas tout à fait ça qui se passe. Fait qu'il y a un petit... Pense qu'elle meurt. Voyons donc. Elle est déjà assez pas active dans la vie. Elle réussit vraiment à sortir de ça. Ben, apparemment que Johnny il se rappelle c'est qui, puis il l'amène dans une grange à l'abri un peu. Parce que le personnage principal d'Empire of the Dead, c'est la sœur de Barbara, puis elle raconte l'histoire de sa sœur. Johnny la sauve, mais la petite fille a tué ses parents, puis tous les autres zombies de tous les autres films, quand quelqu'un voit... Dans le langage geek, du retcon, tu sais, quand tu réécris tellement. L'histoire. Ouais. Ah non, mais ça c'est quand même quelque chose de très cool avec la BD, c'est que quand t'as un projet qui est mort, une série télé, un film, une série, blablabla, la BD c'est souvent le ouais. dernier médium dans lequel tu peux aller faire vivre ça. Là. C'est une bonne porte de sortie. À Buffy, entre autres. Oui, c'est pas, la fin de la 8e saison, je pense. Ouais. Tu sais, il n'y a plus la faire vivre en BD, puis là, ben rendu là, ben en BD. Il n'y en a pas de budget. Tu veux que le gars il fasse. Tu veux qu'il y ait 10 000 zombies dans ton. Ouais. Dans ta tête. Il va en avoir 10 000. Ils vont tout être beaux parce qu'ils ne sont pas faits en CGI. Mais c'est ça. C'est la carrière de George Romero, ça aurait pu être tellement d'autres choses s'il y avait eu plus de moyens. Puis en même temps, ben c'est lui qui faisait par exprès parce qu'il se tenait en marge des gros studios. Oui. Puis son succès l'a blessé dans le sens où on lui demandait juste des films de zombies à la fin, puis il aurait tellement pu faire autre chose. Il a fait autre chose. Knight Riders, mm-hmm. Monkey Shines, tout ça. Il a eu des idées vraiment intéressantes. T'sais. Martin, tout ça. Martin, on se rappelle pas, mais t'sais, c'est original. C'était du jamais vu, mais je veux dire, c'était pas super bon, mais au moins c'était quelque chose de mais différent. Le public s'en rappelle pas ou les a pas vus. Si c'était pas Off the Dead, il allait pas les voir. Fait que t'sais, c'est. Puis voyez tout Devil's Eyes, Two Evil Eyes. Vraiment là, de ce que tu viens de dire, c'est très ça. C'est comment il aurait pu amener ses idées ailleurs. Vraiment. Il aurait pu faire un Not of the Dead. Hashtag Not of the Dead. Dans vos faces. Tout le monde est vivant dans mon film. Alive of the Dead. No one is dead, en tout cas. Il est tard. Oui, il est très tard. Ah ouais, moi tout, je commence à cogner les clous, là. Hey, je pense que de toute façon, on n'a même pas besoin d'une pause musicale, les amis, pour cette conclusion d'épisode. Est-ce que, j'allais dire des recommandations, pas des recommandations vraiment, moi je vous dirais juste, écoutez des films de Romero. On en a parlé beaucoup, je pense que tout le monde au moins une petite shameless de Romero, puis est allé visiter certains que vous avez sûrement pas vu. Sinon, allez écouter The Girl with All the Gifts sur Netflix. Oui. Sinon, Jeff, le bras de fer? J'ai pas de nouvelles encore pour ça. J'ai dit à Steven que j'allais le laisser se reposer de Fantasia. Puis après ça, on verra qu'est-ce qui va en être, mais dès que j'ai des nouvelles, je vous en parle. Cool. Vicky, t'es-tu où? T'as l'air d'avoir de quoi? Pendant le podcast, pendant qu'on enregistrait, j'ai Marc Lamotte de Fantasia qui m'a envoyé des programmes pour le bistrot. Fait que le bistrot va présenter des Off Festival Fantasia. Oh, cool. Confirmation pendant le podcast que j'ai eu la confirmation. Très, très nice. Excellent. Nice. Fait que vous le savez en primeur. Super, super. Sinon, ben, ça devrait être peut-être pendant que vous écoutez l'épisode, si vous êtes vraiment des fidèles qui écoutez l'épisode dès qu'il sort, on commence une petite série de combats entre les vilains, les préférés, les méchants préférés de films d'horreur, donc Battle of the Dead. Non. Battle of the Dead, Monster Brawl. Écoute, Battle of the Dead, c'est malin. En honneur de Romero. Mais c'est ça, donc 16 méchants, vous en avez suggéré plusieurs, la plupart vous seront là. Donc 16 méchants qu'on affrontera à chaque jour, donc un combat à chaque jour, vous allez voter sur Facebook avec un petit avec un petit like ou avec un petit cœur. Et ce sera donc un tournoi. Chaque fois qu'il y en a un qui est éliminé, le gagnant passe à la prochaine ronde, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il y ait une finale entre vos deux préférés qui s'affronteront. Et on veut savoir toujours dans le combat qui gagne. Et on sait qu'il y aura des combats qui seront moins évidents que d'autres. Je vois, admettons, en suggérant là, la petite fille de Ring versus Chucky. Qui gagne un combat entre les deux, tu sais? Fait que dans les commentaires, on veut savoir pourquoi. On veut que vous nous le disiez, pourquoi vous avez voté pour un, tu sais? C'est-tu pourquoi? Parce que c'est la petite fille de Ring est trop effrayante, elle va noyer Chucky, mais Chucky peut pas mourir, c'est une poupée. En tout cas, on veut avoir tout ça, puis ça devrait être le fun, ça va être trippant. Je travaille le visuel de tout ça, il va y avoir beaucoup de job à faire, mais ça va être trippant. Puis je dis pas qu'après ça, on pourra peut-être pas s'enligner avec les héros des films d'horreur. Ou après ça, avoir un final battle de votre héros préféré versus votre méchant préféré. À savoir, est-ce que c'est les gentils ou les méchants qui gagnent? Oh my god, ça serait hot. Ouais, ça risque d'être très très épique avec les 31 jours d'horreur qui s'en viennent en plus. On a une surprise en septembre aussi qui s'en vient. On vous en a pas parlé, mais on va vous en parler éventuellement. Donc ça bouge, puis je suis très content. Prochain épisode, j'ai complètement oublié c'est quoi. On a comme pas parlé c'était quoi le sujet. Faudrait regarder l'horaire. Et... J'ai aucune idée. Suivez la page. Non, on ne sait pas nous autres même. On était préparés en salle. Le pire, c'est que l'horaire est déjà fait. Là. moi, je vous donne une idée. On va écouter des films pour en parler. C'est ça qui risque de se passer. Si j'allais l'enfer, les boys, suivez-moi, on va aller loin. Ah, écoute, on donne les contrôles. Je te donne les clés. je te donne les clés du char. On the road of the dead. Hey, sur cette excellente blague, Jeff, je te souhaite bonne nuit. Bonne nuit, puis assurez-vous que vous avez bien tiré dans la tête, détruit le cerveau et tout ça. Mm-hmm. Comment qu'il appelait ça dans Zombieland, double kill ou je sais pas trop quoi. Oui, là, il y avait comme une expression pour ça. Oui, c'est un dérèglement. Faut un dérèglement. Une suggestion sur Zombieland, c'est excellent comme film. Ah oui, vraiment. Oui, oh, oui, tellement. Un film qui a compris comment fonctionne le film de zombies. Oui. Puis d'ailleurs, écoute, si Wes Anderson réalisait un film de zombies, on aurait notre Bill Murray zombie de Zombieland. Dans... Tout est lié. Mais bon, Wes Anderson ne peut pas faire d'autre chose que des films de zombies. Là. Ce serait un peu bizarre. Mais on l'a lancé dans l'univers. Là. On l'a lancé dans l'univers si jamais c'est fait. Écoute, les droits d'auteur sont à nous autres. Vicky? Bonne nuit. C'est de même, ça marche. T'as lancé l'idée, les droits d'auteur t'appartiennent. Moi, j'ai tout compris de ce que tu nous as expliqué au début. Et voilà! Hey, tout le monde qui nous écoute, merci beaucoup d'avoir été là, c'est vraiment trippant. Et n'oubliez surtout pas de garder ça horreur. Bye bye!